Allô, allô, allô, bonjour et bienvenue à Deux Fifs le matin, votre podcast à coquin, la seule radio poubelle homosexuelle de gauche. C'est nous autres, allô. Bonjour, parlant de poubelle homosexuelle, moi c'est Jess PVM, poubelle homosexuelle, grande vidange, bipolaire, non-binaire, sobre, mélancolique, sué bord. Et la fin de semaine passée, je travaillais au bureau, c'était l'Halloween des enfants. Ouais. Les gens amenaient leurs enfants et je suis émerveillé de voir ce que les gens sont capables de faire avec du sperme. Moi, ça me dépasse. The things they do. Et là, c'est vraiment très drôle parce que pour me rappeler de mon intro, il a fallu que je prenne des notes. Oui, moi, j'ai juste vu des mots-clés dans le plan. Les enfants et le sperme. Puis j'étais comme, ça s'en va. J'ai juste écrit les enfants et le sperme. J'étais comme, c'est ça s'en ça, va où, là? C'est beau la concision, mais c'est parce que là, ça porte à interprétation quand même. Toujours dans l'ordre rose. Vous êtes qui, vous? Moi, c'est Charlie Morin. Fille de com, DJ, humoriste, mais surtout podcasteuse. en ce moment, oui, activement, je pratique le podcast. Micro, là, c'est là que on a des preuves en ce moment même. Ouais, pas au moment où vous écoutez, parce que là, on est dans le passé. Oui, mais vous cas, êtes dans le futur. Bref, la temporalité, vous savez. Deux Fifs le matin a inventé le voyage dans le temps, tout le monde. J'espère que vous êtes conscience de ça. La production astrale, ça vient de nous autres. Puis, c'est officiel, avec l'inflation, on ne peut plus faire le 69, on est rendu à 76. Ah, OK. Ouais. Oui, je pensais que vous étiez rendu à 11, moi, deux sticks. Oh! Oui. Non, c'est 76, demandez-moi pas comment ça marche. Ça monte l'inflation. Mais c'est ça vrai, monte je vis dans un rêve. Sacrament. Je vis dans un rêve. Hey, toi, tu pensais que c'était rendu en spécial. Ça là. Descend. Ben oui, mais je pensais qu'il nous faisait un crédit sur le capitalisme. Mais nope. Si ça marche pas. Nope. Mais toi, quand ça marche pas, tu leur tournes un crédit. On a même pas ça. Non. Mais tu sais ce qu'on a, par exemple? Qu'est-ce qu'on a? On a une invitée. On a une invitée. On n'est pas tout seul! On fait du népotisme à Deux Chiffres le matin. On reste en famille avec la House c'est of Barbara. C'est pas notre famille, mais on l'a népotise quand même. C'est pas la nôtre, mais gars, c'est celle des autres. c'est ça, j'étais pas sûr de la définition de népotisme, mais je me suis dit qu'on avait assez parlé à travers notre chapeau pour pouvoir utiliser des mots hors de leur contexte. Qu'est-ce que le langage? La langue, c'est celle qu'on parle. That's it. C'est tout. Fait que cette fois-ci, on est avec Miss Chris, it girl, performeuse, actrice, mannequin et animatrice de Queer Corps sur CKUT. Est-ce que tu dis queer corps ou tu dis queer corps? Moi, j'ai appris que je faisais une erreur à la radio déjà, c'est queer core. Oh! Ah, c'est queer corps. Oh! Ok, ben, gars, that's it. Ouais, c'est une different vibe. Exactly. On l'a appris maintenant. Ouais, moi, je trouvais que queer corps, ça sonnait bien. Right, tu sais, moi, je disais à la radio tous les lundis queer corps, queer corps. Tu sais qu'en plus, c'est toi qui l'amène! Parce que corps, ça a une autre tendance quand même. Ah, kind of. En même temps, les dépouilles queer, genre, c'est bon, là. C'est nous! Genre, c'est nous. Ah oui. C'est là. Nous dans ah un état oui, de là. Décomposition avancée. Au fourneau, là. Oui, oui, oui. Incinérez-moi ça. Au fourneau, my God. Incinérez-moi ça, c'est des poils-là. C'est ça, c'était pas un hot flash, hostie. Mais que... aujourd'hui, je sais pas vous autres, mais on est dans nos émotions. On est dans nos on émotions. On est dans nos émotions. On parle émotions et relations dans la communauté queer. Oui, on jase romantisme et identité queer. Et pour honorer le fameux segment hebdomadaire de... Attends, c'est, comment qu'il prononce encore? Queercore. Queercore. C'est comme normcore, mais queercore. Exactly. Mais, j'aime ça que le PS est juste oui. comme... Misleading ça, ouais. Ouais, c'est ça. Fait qu'on va honorer le segment Ask Miss Chris. Yes. On s'est créé notre propre segment. Oui. Demander à Mademoiselle oui. Chris. Oh, je suis préparé, j'ai préparé plein de choses. That's oh, it. I'm excited. Fait que, on s'en va daydream en cette belle journée d'automne. Aller regarder les couleurs, comme on dit. Oui, trouver ça beau, puis romantique, puis mélancolique. Oui. Ouais. Oui. Puis on vous revient. Over caféiné. That's it. On va même pas changer de café dans ces couleurs-là, mais on vous revient au beurre caféiné quand même. Ouais. Par les couleurs. Par les couleurs. Pumpkin Spice Latte. Deux Fifs le matin, c'est aussi un podcast synesthésique. Non, mais il va y avoir un café d'une barbe à m'amener, là. Trusting. Je peux pas croire. Mais non, mais c'est parce que c'est ça le problème. On est en crise, tout le monde. On est en ce moment à court d'eau potable. C'est vrai. C'est ça, c'est la sécheresse aujourd'hui chez Papa Pivot. Papa Pivot est sèche, sèche, sèche. Ouais, Papa Pivot. Parce qu'il n'y a pas d'eau. Puis le dépanneur en face du Papa Pivot, qu'est-ce que vous pensez? Ben oui, on a acheté de l'eau bouteille en plastique, c'est ça. C'est ça. Puis il n'a quasiment plus. J'ai dit, elle m'a sorti les bouteilles d'eau de derrière le comptoir. J'étais comme sacrament. Oh mon Dieu, des magnums qu'elle gardait pour une occasion spéciale. Moi, j'étais comme là, c'est ça la crise climatique. Là. Ils vont cacher les bouteilles d'eau parce ben oui, qu'on n'aura plus accès ça à rien. Ça commence déjà. C'est déjà commencé. La fin est proche. Mal. Je les ai dans l'épisode 2. On va se faire envoyer aux États-Unis. Puis c'est de même, ça va chier. On va revenir un peu caféiné. Beau l'automne. Oh, it's quite nice. Sweater weather. Sweater weather. Sweater weather. Ça fait crunch crunch quand on marche. Oui, oui. Puis au printemps, ça fait. Ouais, ouais, ouais. Oh ouais, c'est les mêmes feuilles, là, ils ont juste eu un long hiver. Je peux continuer de même encore longtemps. Tu marches longtemps, oui. Hein, tu marches beaucoup. Oui, oui. Long walk. Cet effet spécial-là, il enregistre. Yeah. Oh my God! Fait que... Là, tu réfléchis à comment tu vas prononcer bi-hebdomadairement. Non, hein? C'est un long mot pour commencer une phrase quand même. Je sais pas pourquoi j'ai écrit bi-hebdomadairement. Je sais que c'est... On manifeste, c'est pour le futur. C'est toutes les semaines. Ouais. Ouais. Fait que hebdomadairement. Moi, regarde, je soutiens inconditionnellement mes amis bi. Puis j'essaie d'amener de la visibilité bi partout, OK? Partout. Donc, bi de tous les pays. Donc, homo hebdomadairement. Yes. Queer devient... oh non, je suis pas dans le bon segment, Calis. De quoi t'es pas dans... Oui, non, je suis dans le bon segment. On est à la bonne place. Je suis mêlé. Tout va bien. OK. Homo hebdomadairement, queer core devient Ask Miss Chris. Scorpio season, ça commencera. Je regarde, moi, dans mes feelings. Fait que c'est une émission... Ask Miss Chris, c'est une émission où les auditeurs auditrices peuvent appeler pour te poser des questions sur des différents sujets qui ont trait aux relations, comme, par exemple, il y a eu récemment la différence d'âge dans les relations, la compatibilité sexuelle. Ouais. C'est quoi l'intention derrière le fait de créer un espace pour ces discussions-là? Ben en fait, ça a commencé, moi, à la base, j'allais écrire un livre. But it was... Oui, I know, right? Every time I say it, les c'est gens sont... C'est plus facile de faire de la radio, hein? Moi aussi, c'est ça que j'ai fait. Nous aussi... We all end up on the radio somehow. Mais le livre, il a commencé, c'est un peu comme un manuel. J'ai basé ça comme Sex and the City. Ouais. Puis deux des choses qui m'ont vraiment inspiré pour l'écriture du livre, c'est Sex and the City, of course, et Wendy Williams. Oui. Exactement. Donc, oui, icon. Right? Oui. May she get better. Même donc, Mother Elle m'avait parlé d'un truc à CKUT qui recherchait des gens pour animer Queercore. Oui. Puis là, après, j'ai fait, OK, pourquoi pas, j'ai envoyé la démo du livre. Ils ont adoré. And then it became Ask Miss Chris. Ouais. Ah, c'est très cool quand même. Ça, c'est une belle origin story. Quand même. Puis, dans ta démarche, quand tu choisis tes sujets, ouais, sur quelle conversation t'ouvres, puis tout, comment tu dresses tes plans, genre? It's un peu based on my own personal life. Donc, qu'est-ce qui arrive dans ma semaine, par exemple? La semaine dernière, compatibilité sexuelle. That's it. Ouais, il y a un gars avec qui que je fréquente depuis peut-être 3 ans. Mmh. Mais c'est un peu compliqué, je le fréquente, mais je connais pas son nom pour le passer. Oui, ce genre, exactement, ce genre de... Voilà. The Dream. The Dream, exactement. The Dream. J'ai-tu raconté kind of sur deux fifs la relation fois où j'avais... 3 ans avec Anonyme, quand qu'est-ce que c'est que tu veux de plus? Oh. Ah non, mais moi, j'étais rendu, j'avais un fuck friend que je voyais assez souvent, puis pendant comme, je pense, ça a duré 2 ans, là, mais tu sais, comme fully un an in, j'ai genre oublié son nom, mais je le voyais trop souvent pour y demander, là, je me sentais trop gêné. À un moment donné, j'ai réussi à trouver comme son permis de conduire sur son bureau, puis j'étais comme, OK, nice. Moi, dans ma tête, le nom de ton chum, c'est toujours John Bob Maurice quelque chose. Je sais pas. John Bob Maurice quelque chose. Des noms génériques. On là. Te salue. On le sait pas. On les connaît-tu vraiment? On te salue. Ouais, relation de 3 ans avec Anonyme, quand même. Ouais, donc là, il a essayé de faire un truc différent. Il y a quelques jours, il voulait qu'on change les rôles un peu. Il voulait dire son nom. Ouais, exactement. Imagine, non, il m'a posé des questions sur le travail. J'étais choqué. On conduisait. Je me suis dit, I was like, you care? Mais là, après 3 ans, il voulait faire des choses un peu différemment. Et là, je me suis rendu compte que compatibilité sexuelle, moi je suis une personne qui est plutôt ouverte, mais avec lui, on s'est lancé sur la même démarche pendant 3 ans, ça fait un peu bizarre de changer. Ouais. Et surtout que de s'expliquer qu'on connaît pas le nom de la personne, je peux pas vraiment expliquer. Ouais. Right, so I'm just in the back of the car, I'm in the back of the car, sitting passenger seat, et je me dis, mais... Y a les gens la qui... relation est à ce point agréable que genre tu prends le siège dans l'arrière. Exactement. Miss Daisy, Miss Chris and her driver. C'est bon, là. Oh, but he's a nice man, he drives me around partout, il est très gentil. C'est tellement bon, right? Là. Mais donc, c'est ça, c'est comme ça que l'épisode de la semaine dernière est arrivé. Donc, comment je vois les choses, c'est si j'entends une histoire d'une amie ou je vais à travers quelque chose ou une émission que j'écoute, il y a un sujet qui m'intéresse, que ce soit relationnel ou quoi que ce soit. Et moi, je fais un épisode et je prépare. C'est cool quand même parce que c'est une manière nice d'en apprendre sur notre propre communauté, ouais, d'avoir des gens qui appellent puis qui comme livrent leur témoignage ou qui posent des questions, posent des opinions. Ah, je veux dire, moi c'est quelque chose que je serais incapable de faire, là, je veux dire ce que les autres pensent. Non mais oui, non mais c'est exactement pour ça que nous on n'est pas une ligne ouverte, non. On veut pas savoir. Hey, hein. Le pire c'est que les gens... Ça prend du monde pour le faire. Ça prend du monde et il y a beaucoup de gens qui sont tellement gênés de... I mean, I get it. Moi je dis toujours, je suis à la radio pour mon linge sale, je le mets à la radio tous les... Ça on comprend ça. Tous les lundis soirs, je le move. Exactly. Oui. Mais il y a des gens qui sont pas aussi confortables, donc il y a des gens parfois ils vont m'écrire les questions par email. Ouais. Ou souvent, c'est des gens qui vont me parler en personne et puis je leur dis « Attends, mais t'es d'accord que je mette ça à la radio ?» Et ben ouais, mais nomme-moi pas, c'est tout chouette, t'inquiète. Ouais, c'est pretty cool. Ouais. Ah. Regarde l'animaux. Moi, je suis la reine de tout ce qui est anonyme. Hein. Je... Ah oui. Voilà. Yes. Ah oui, parce que c'est sûr que bah oui, forcément, right. Je vais dire, les gens, est-ce qu'ils se présentent forcément pas. Non, c'est anonyme. Il y a, c'est ouais. Il y a des gens qui ont beaucoup à perdre aussi, à mettre leurs histoires comme oui. Ça. Non. Je comprends. Oui. Je comprends. Oui, c'est mieux de rester anonyme. Je comprends. Exactly. Fait que si vous voulez la version des histoires de date de couple ouvert, but make it queer, oui. Voilà. Écoutez Ask Miss Chris. Oui. Exactly. je trouve ça drôle parce qu'on vient de faire un épisode genre sur le travail, puis on parle de comment on se sent au travail, puis là, notre prochaine question, c'est est-ce que comme personne queer, des fois, on est vraiment très axé sur l'émotion? Est-ce qu'on parle beaucoup de nos émotions? Est-ce qu'on ouvre les valves un peu trop facilement? Il me semble qu'on est bon dans le drama dumping, des fois. Ah ouais, ouais, non, ça, c'est un truc que j'ai toujours poussé. Juste moins. Oh my God, I always throw people. Mon Dieu, je suis rendu Sophie Durocher, je commence mes phrases parce que tu es juste moins. Non, it's all of us. Moi, je dis toujours en genre, you cannot build a relationship sur du trauma. Ça mène nulle part, c'est pas des relations qui sont sustainable, ça va pas durer, c'est n'importe quoi. Mais je trouve aussi que dans les communautés queer, on est vraiment axé, comme tu l'as dit, sur les émotions, mais en même temps, on ne veut pas, c'est pas autant qu'on est axé qu'on est honnête envers soi-même, envers nos émotions. Ouais. Yes. Il y a toute cette, ouais, il y a cette notion d'être progressiste et queer, donc ne pas rester dans les trucs qui sont vraiment hétéronormatifs comme la jalousie et les trucs comme ça qu'on va souvent mettre sur les communautés hétéro. Mais il faut comprendre que c'est ok d'être jalouse, c'est ok d'être insécure, c'est ok de se comparer aux autres. Oui, c'est... si on l'accepte pas puis qu'on fait juste le nier, ben on n'est pas ça. En train d'avancer. Non, là, on ne peut pas tout devenir le 10e membre d'un polycule du jour au lendemain. Voilà. C'est pas de même, ça marche. C'est vraiment pas comme ça que ça se passe. C'est pas pour tout le 10e membre. Là. C'est pas pour tout le monde. Moi, je dis toujours aux gens, c'est. There's certain things que tu vas pas faire pour quelqu'un, somebody else in the street will do for you. Tu peux aller voir. That's how I see it. Ce que tu ne veux pas faire pour ton partenaire, see it that way. Somebody will do it gladly. Il y a des gens qui vont le faire, ils vont le faire avec plaisir. C'est pas tout le monde qui est bâti de la même façon. On peut pas se mettre à jouer au même rôle. À tout, ça mène à rien. It's not real. Moi, je trouve qu'émotionnellement, tu sais, parce que je veux dire, on s'entend, là, la communauté queer, tu peux décliner ça en plein d'identités qui vivent des choses complètement 100%. Différentes, tu sais, mais. Particulièrement les hommes gays cis, là, je trouve que des fois les émotions c'est difficile à unlock, hein? c'est des hommes au final là, Confucius. Ouais. Il y a pas d'autre mot, j'en ai inventé un pour Confucius. Mais c'est quoi, confondant et furious? Non? Everything is confused. Everything, you don't even know what's the confusion about. C'est Confucius. Non, mais je trouve que, tu sais, autant comme les hommes gays sont capables de se libérer sur plein d'aspects, puis de genre claim leur féminité, puis d'explorer avec des affaires et tout, je trouve que souvent sur le plan émotionnel, c'est souvent un concours de qui est le plus emotionally unavailable, puis genre, oh my god! Je révélerai jamais de vulnérabilité pour vrai, mais en même temps d'être dans l'hyper-ironie du deuxième, du troisième degré où tu révèles un peu d'infos, mais que jamais tu le ferais genuinely. Oui, exactement, la passion devient banale, ce qui est une bonne chose. Moi, je suis pour banaliser la passion, 100%, mais c'est vrai, moi, des fois, je vois les couples et déjà, ils se mettent... ce que j'ai vu surtout souvent pour les personnes, pour les hommes gays cis, c'est que les couples, parfois, c'est tellement rapide. As quick as lesbians, they get together so quickly. Genre, dans le sens que they date each other, which is totally fine. Mais à chaque 3 mois, c'est que. I'm not against men dating men. I'm all for it. I'm all for it. I'm the biggest supporter of it. On vous juge pas ici, on ne vous juge jamais. Mais ce qui me choque, c'est que non seulement. Miss Chris said gay rights. I am here for it. Every day, every time. Mais ce qui me choque, c'est love. Love is fucking love, yes. But these people that end up dating. The same group of people, let's say, mais à intervalles, on va se dire, mais c'est à chaque 3 mois, c'est quelqu'un de différent. Mais ce que je vois dans les communautés plus, dans les couples qui sont plus queer, donc là où c'est vraiment parfois, c'est deux genres complètement différents, donc une personne transféminine, une personne non-binaire ou un tel et quoi que ce soit, c'est que c'est tellement dur d'avoir quelque chose de plus stable. C'est qu'il y a cette notion, il y a une peur, c'est... Ce que je dis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans les communautés queer, it's okay to want to date a man. It is totally fine. It is so okay to be into men. It is, you do not have to be somebody else that's into so many different things. If you like men, c'est okay. Ouais. C'est pas grave, on est là pour les gays, on est là pour... Tu as choisi un challenge, mais on te supporte. Voilà, on te supporte, on vous supporte à la maison, soyez vous-même. No guilt. Mais je pense que les gens... On se culpabilise pas tout le monde. Les gens se culpabilisent, exactement. Ils veulent se prouver quelque chose. Ben oui. Et c'est un truc que je remarque, c'est différent dans les communautés, dans les couples gays, il n'y a pas tant à se prouver en termes de... Il y a beaucoup de pride to be gay, j'ai remarqué. Ouais. Which is an amazing thing. Moi, je suis là à 100% pour être prideful of what you are. Mais les communautés queer sont encore très... non, moi, je ne suis pas gay, moi, je suis queer. And I'm like, girl, you like boys. It's okay. It's okay. C'est pas grave, on t'aime quand même. Oui. Donc, c'est ce que j'ai remarqué. Ouais, tu sais, j'aime ça qu'on parle de guilt parce que justement, tu sais, on disait tantôt, oui, on parle beaucoup de nos émotions, mais est-ce qu'on en parle vraiment, franchement, de front? Est-ce que ça reste à voir? Puis, ben justement, je trouve que des fois, puis c'est plate parce que ça nous est inculqué puis on le répète, je pense. Ouais. Mais le guilt, la culpabilité, ça drive une grosse partie de nos de notre réflexion en général, genre au point où des fois, ça remplace quasiment. Ben, après ça, c'est dur de parler de solution parce qu'on n'a pas. Des émotions, c'est des émotions. Là, tu peux pas. You have to live them. Je vais pas sortir le classique, va prendre une marche pour ta santé mentale. Mais genre, you got it, assume-les, sont valides. Right. Mais comme. Je trouve qu'on est beaucoup dans ce servicieux-là de la culpabilité. Ouais. Genre, que j'aimerais qu'on se sorte à un moment donné, qu'on assume, soit qu'on va mal. Oui. qu'on l'assume de près. And it's okay. Ouais. Parce que c'est difficile sinon de passer à autre chose. Ouais, 100%. Je trouve qu'on relish our guilt. J'essaie de trouver une traduction, genre qu'on se vaut. Des fois dans la culpabilité. Ouais, pour se prouver quelque chose. Ouais, ou parce que c'est le stade le plus facile à répéter sans. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je vis ma culpabilité. Genre, c'est quand je suis au stade de la facilité. Genre, je veux pas vraiment régler le problème. Ouais. Il est là. Ouais, ouais. Je l'adresse tout le temps. Genre, ah, oh, c'est du self-care. Je vais faire ça, c'est du self-care. Je n'adresserai pas ça. Genre, non. Right. J'ai tendance à. Le guild, c'est ma voie de contournement. Ouais. Pour les automobilistes qui nous écoutent. Ah! je ne suis pas conductrice moi-même. Shout out to you, c'est dans ton char maintenant. Oui, c'est ça, pour les gens qui sont dans leur auto en ce moment. Genre, c'est quoi deux fifs le matin, là, on est à l'heure du trafic, on est le matin, là, c'est ça qu'on fait. Ouais. T'accentes trois fois, on va te reconnaître. Flash tes lumières. May you rest in peace, Flash tes lumières. Ah mon Dieu, je pensais qu'il était mort. Non, le show. Okay. Non, Jean-Marc Parent va très bien, tout le monde, on est pas en train. De toute façon, on sait pas s'il va bien, mais il est pas mort. Oh, c'est ça. Voilà. Anyway, on passe. Voilà, culpabilité, c'est le mot du jour. Mais oui, quand même. Mais non, mais c'est vrai que les queers sont super bons pour vivre la culpabilité, surtout que étant des communautés qui sont super comme conscientes des oppressions puis de comment elles peuvent être multiples et tout en même temps, tu sais. On le vit tous, ouais. Mais c'est ça, mais en même temps, tu sais, avoir conscience versus se sentir coupable, c'est des choses différentes aussi, tu sais. C'est vrai fait que, étant donné qu'on est habitué à s'accrocher à des culpabilités par rapport à plus des notions anti-oppressives, tu sais, c'est vrai que relationnellement aussi, ça peut être impactant, puis se sentir mal aussi de... Je sais pas, moi, je trouve que OK, hot take. Moi, je trouve que les queers se sentent mal de, genre, juste d'être dans des trucs un peu plus comme de base, de genre, de se sentir légitime d'être aimé. C'est correct. Ah non, autant par ses amis, autant comme... autant par ses amis que dans des trucs plus romantiques. Là, moi, je pense que ça comme c'est valide dans plein d'aspects, puis l'amour existe sous plein de dimensions. Il y a presque l'amour une peur, l'amour existe encore, surtout. Mais... C'est pas Céline Dion, ça? C'est très certainement Céline Dion. C'est très certainement Céline Dion. J'adore. Mais c'est ça, tu sais, mais je trouve que c'est vrai que, genre, le comme feeling worthy, c'est compliqué quand tu as une identité où tu sens que tu pars dans le rouge ou tu pars dans le négatif aux yeux du monde entier, tu sais. Oui. Ben, tu sais, genre, tantôt, on parlait aussi de stabilité de relation, genre, puis ça me fait penser à ça, parce que autant d'un côté, genre, tu sais, je pense vraiment comment en plus, en tant que personne bipolaire, moi, c'est extrême, là, mais genre, je vois beaucoup le balancer des émotions, puis autant je parlais de culpabilité tantôt, mais on est aussi très shamelessly empowered, des fois. Ah oui. Genre, on s'est auto-diagnostiqué sur Internet, on a trouvé un vocabulaire qui nous convient, et là, God knows qu'on arrive avec nos drapeaux, puis qu'on est comme. Moi, la minute que je suis devenu non-binaire, je suis devenu désagréable à Baptiste People en deux secondes, comme si j'avais jamais prétendu moi-même ma sexualité. Non, on s'entend, ne soyons pas alarmistes. Jess est juste devenu désagréable sur un aspect de plus. Sur un aspect de plus. Et elle l'était bien. Sur vraiment plein d'autres aspects. C'est une possibilité. Ça n'a pas changé du tout au tout. Là. Oui. Le snowflake qui font le moins vite à Montréal. Oui. Vous vous débarrasserez pas de moi, mes callistes. Fait que c'est ça, mes callistes étant la société en général. Yes. Oui. Que je salue au passage. si jamais t'es dans ton char, la société, klaxonne trois fois. Yes. Fait que ouais, genre, j'aime beaucoup ce balancier-là, mais tu sais, comme, est-ce que nous-mêmes, on est stable, genre, parce que c'est souvent ça, là, déjà, la vie millennial, avant même qu'on commence à parler de queerness ou de minorité, whatever, tu sais, c'est plus vrai qu'on a la même carrière pendant 30 ans, que le mariage, ça dure toute la vie, qu'il faut absolument faire des enfants, même les straight, ils ont compris ces affaires-là, so far, so good. Mais là, quand t'es queer, quand tu fais partie d'une minorité, c'est encore plus vrai. Ouais. T'es déjà pas stable, fait que c'est sûr que tes émotions, genre... Puis c'est correct aussi, hein, c'est explorer son genre, explorer ses émotions, fluide partout, justice nulle part. Mais comme, it's okay too, genre, je pense que c'est pas stable puis que c'est très mouvant, genre. Et comme tu l'as mentionné, je pense que... Ouais, puis c'est un truc de génération aussi, because I was thinking of it recently quand je préparais le prochain épisode pour Ask Me Excuse, et puis là, je me suis rappelé que j'essayais de penser pourquoi nos relations, parce que pourquoi nos relations à nous en tant que telles, on n'a pas les modèles familiaux comme on avait un peu discuté et tout. Oui, ouais. Et puis je me suis rappelé que un truc qui est aussi similaire avec les straight de notre génération, c'est les réseaux sociaux. Oui. Et plus que les réseaux sociaux, c'est l'Internet. On est bombardé par toutes ces notions différentes. Oui. Ce qui fait que les gens du jour au lendemain peuvent comprendre que peut-être que moi, je ne suis pas monogame, je suis polyamoureuse. Oui. Ou peut-être que non, je suis demi-amoureuse. Ou peut-être que non, je suis ceci. Et il y a tellement de nouvelles façons de experience everything and different things que ça devient dur de décider ce qu'on veut vraiment dans le moment. So you're telling yourself you're dating somebody pour presque 6 mois, whatever, and all of a sudden, t'as vu une vidéo sur YouTube sur c'est quoi la compatibilité sexuelle et oh mon Dieu, moi et lui, on s'entend pas comme ça. Ouais. All of a sudden, au lieu de travailler avec la personne avec qui t'es en couple, ton thérapeute, c'est Instagram. So now t'es un thérapeute. Ça, on aime beaucoup le modèle instantané. Exactement. Du jour au lendemain, là, on a adhéré à une nouvelle philosophie. Là. Exactly. Oui. 100%. Je veux dire, are we lying? C'est quoi l'era? Tout le monde a son tel era, cette era, d'autres era, era. Je suis comme, OK, babe, on change tout de personnalité à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison de Drag Race. It's character development. Everybody's the main character en 2022. Oui. Everyone is the main. I love it. Ah, mon Dieu, oui. C'est correct. Oui. C'est correct. C'est juste que ça donne une drôle de situation. Parce que c'est ça, les réseaux sociaux, jamais été autant open et ouvert et informé à propos des émotions, des autres, différentes façons d'avoir nos traumas, tout ça, mais en même temps, puis je pense que j'ai déjà utilisé l'image, mais c'est un petit peu comme essayer de boire de l'eau sur une bande fontaine. C'est beaucoup d'eau en même temps pour essayer de prendre une gorgée. Ouais, c'est un petit peu ça, Internet, les réseaux sociaux. Tu sais, je suis sur des groupes de partage, surtout comme personne non binaire, je me cherche encore pas mal. Tu sais, j'ai des groupes où je lis beaucoup ce que les gens, je suis comme... Des fois, je suis comme, OK, j'ai lu vraiment beaucoup de témoignages aujourd'hui. Je suis comme, OK, genre, à un point où j'étais comme, je sais pas si je m'informe ou si je suis voyeur en ce moment, mais comme, tu sais, des fois, c'est a lot. Genre, j'étais comme, ça m'a pas aidé dans ma réflexion. Maintenant, j'ai juste comme plus de trajet qu'avant. Parce qu'il y a tellement de différentes avenues, là, tu had no idea. Des fois, c'est comme pas évident de s'y retrouver. Mais même pas juste sur le plan d'information, là, sur le plan de, comme, chercher des gens avec qui entrer en relation, là, tu peux toujours passer au suivant. Tu peux toujours choisir. Parce que le truc, puis c'est ça aussi, c'est que, on vit dans une société qui veut toujours nous donner le choix, tu sais, comme donner plus de choix, c'est toujours vu comme plus positif, mais le truc, c'est que plus t'as d'options, plus ton cerveau est tricked into penser aux autres options que t'as pas choisies. Voilà. Oui. Fait que là, t'es tout le temps en train de te culpabiliser, de pas avoir fait le bon choix, puis de vouloir changer tes choix, alors que des fois, de comme stick to something, puis de vraiment plus te... puis là, ça peut être plein d'affaires parce que c'est juste on vit dans une société de choix où on veut toujours avoir le choix. Puis tu sais, c'est pour ça que les entreprises savent qu'ils peuvent nous laisser le choix de genre, tu sais, comme le ramener, le renvoyer le package après tant de jours, de pouvoir changer notre commande, changer ci, changer des features. Oui. Parce que de toute manière, on est overwhelmed par les choix. Et les options. Puis que ça va pas leur coûter cher pour eux autres parce que genre, c'est trop. Les gens finissent par comme. Puis on finit par péter aux frettes aussi de comme juste tout le temps se demander quoi faire parce qu'on a trop de choix. Oui. Moi là, je pense qu'on devrait marier notre cousin ou notre cousine à 14 ans comme dans le temps, dans le rang. Ça sort du temps. Pas le choix. Non mais stick to an option. T'as plus, je parle la toune de mes aïeux. Oui, c'est ça. Oh my God, this song. J'ai juste ça à faire, ça attend tout le monde est triggered. Mais en même temps, c'est parce que c'est vrai que tu peux pas, tu sais, genre, on s'entend fondamentalement dans la vie, on veut pouvoir faire le plus de choix qu'on veut comme on veut. And we should all be able to. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, moi, la notion de choix m'overwhelm, que je suis comme, OK, mais tu sais, je veux... Ouais, mais c'est pas facile de stick to something. Effectivement. C'est pas évident, là, de dire ça, c'est mon identité. I am like that. True. Ouais, les gens, c'est tellement complexe. We have so many different layers, everyone. Mais je pense que... Il y a un travail à faire. I always say two things on the show. Oui. Moi, je suis presque évangéliste. I say people need to find themselves and they need to find God. Whatever that God may be. Whether it be Tina Turner, you, whoever inspires you to do better in life. Then again, choose your God. Choose your God and choose yourself. Learn how to know yourself for yourself. On peut pas passer le reste des prochaines 40 prochaines années à toujours se comparer à... 40, tant que ça! I'm telling myself 40 because that's a good number. OK. I'll be what? It's an even one. Moi, à 30, j'en veux juste 40 de plus. À 70, moi, être prêt. Là. 70 is a good age, too. I'm waiting for 60. What? I'm waiting for 60. I'm going to pose naked. I already know. 60, I'm posing naked. Yes. But back to the topic. Naked era. Exactly. Naked era. Back in my naked era. Voilà. Exactly. Oui, in my naked era. Parce qu'on est toutes nées, tout nues, mais le reste, c'est de la drague. Indeed. Thank you, RuPaul. Mais ouais. Merci, Ru. Giving the shout-outs. Mais comme tu as mentionné les options des gens qu'on peut rencontrer et tout, another thing, c'est que les réseaux sociaux, ça te permet de... te faire une idée sur la personne avant même de la rencontrer. Mm-hmm. Et ça, c'est très pas problématique in the sense that getting canceled, but it's problématique dans le sens que ça pose problème. C'est très compliqué. It's very complicated because then you're making yourself dream about something. Et le pire, c'est qu'à l'époque, quand on rencontrait quelqu'un, à l'époque, comme si j'y étais, mais quand on rencontrait... My age is a mystery. Mais quand on rencontrait quelqu'un, tu pouvais te faire les idées que tu pouvais, mais c'était des idées basées sur l'apparence et ce que tu savais sur la personne. Mais c'est vrai que sur les médias sociaux, c'est facile de te présenter comme une personne que t'es pas. C'est-à-dire que même si, tu sais, je veux dire, on connaît le... En tout cas, on connaît des gens qui sont pas... la même affaire sur Instagram que dans la vie, là, tu sais. Combien... Puis surtout, moi, c'est les tapettes, là, qui sont comme « always being hot, always being sexy, always selling sex », puis que dans la vie, pour vrai, ils hook up pas tant que ça. Ils sont juste comme « there's a pressure to be sexual online », mais c'est vraiment juste comme un « I want to feel cute, I want the validation », puis genre « good for them ». Pas dans un truc de comme les slut shame, puis faire comme « tu devrais te respecter », mais plus comme « c'est quand même drôle ». C'est correct. Qu'on soit tout... Tu sais, comme, I can't believe que genre, j'ai un podcast queer pour finir par dire it's okay not to be sexual online. Genre, peux-tu croire? Full circle moment. It's okay. Le premier épisode s'appelait on peut-tu juste fourrer? Vraiment? Le deuxième, quand même. Le deuxième. Quand même. Oui, le premier, c'est fait. On a commencé calme. Oui, doucement. Tranquillement, bien sûr. On a attendu le deuxième, quand même. En fait, le plan stratégique tout le long, c'était plus on avance dans deux fifs le matin, plus on peut dire aux gens quel épisode aller écouter pour pas qu'on aille expliquer quelque chose. C'est très utile. Fait qu'on a commencé avec les bases, puis en s'en allant, on y va de plus en plus cru. Okay. Oui, là, on est rendu à toi. We're pretty deep end. Oui, on est aussi rendu à aller prendre un petit café, là. Ah, moi, je m'ennuyais du crunch en dessous de mes pieds. Tu me fais-tu encore... Moi, je vais aller me réchauffer les intérieurs. Parfait. Tu me fais encore le bruitage de nous qui marche vers le café? Ah, là, c'est le printemps. Parce que les feuilles sont mouillées. Ben, le printemps est arrivé. Les blés sont mûrs et la terre est mouillée. Les blés sont mûrs. Oui. C'est pas ça? Je sais pas. C'est une chanson. OK. C'était bon le café. Yeah, était-tu bon ce café-là? Délicieux. Hey, c'est bon, c'est chaud. Chaud. Liquide. Puis. D'une couleur brune. Tous les attributs d'un café. C'est ça. Vraiment, là. Dans un contenant. C'est hein? Platon qui serait content. Oui. Dans un contenant, puis c'est la gravité qui faisait que ça restait dans le contenant. Oui, en fait, oui. C'est, c'est extraordinaire que le contenant contienne, moi, le progrès, la civilisation. Le futur, le bonheur, la joie, l'allégresse, je dérape. Ok, c'est là que je dois de line aussi. Ok, moi je trouve que quand même en termes de romantisme, il y a plus une pression explicite pour les hétéros au couple, tu sais, genre rencontrer quelqu'un à faire sa vie en couple. Ne pas chercher à être en couple quand t'es straight, c'est quand même perçu comme bizarre. Tandis que les queers sont beaucoup plus relax sur cet aspect-là. Mais est-ce que ça rend ça plus difficile de justement d'être romantique et de chercher le couple quand on est queer? Là, je pose la question comme si j'étais innocente, mais queer comme dans queer politique ou queer comme dans LGBTQIA2+. Parce qu'il y a une grosse partie dans l'acronyme qui a de la pression. La tapette blanche conventionnelle, là, je m'excuse, mais la pression d'être en couple est autant là. Ben, OK. Les condos gays, là. Moi, s'achète pas ça tout seul, ces condos. Ok, I would argue. Ça prend deux revenus, là. I would argue quand même qu'il y a plus de pression pour les straight que pour genre LGBT dans le sens pas politique. Il y a, oui, de la pression, mais moins que pour les hétéros quand même. Puis que chez les queers, il y en a absolument moins ou pas. C'est, ouais. Moi, je blâme les enfants. Moi, j'accuse les enfants. C'est la raison pourquoi je blâme les enfants. Moi, j'ai dit... J'en parlais avec qui hier soir? J'en parlais avec my friend Ronnie. Et on en parlait, elle et moi, on disait que... Thank God, pregnancy scare is not a thing for us. Ah, mais moi... Oh. Because I would be quite in trouble. I would be la mère du peuple. Mais mon Dieu. Mais moi, je serais la mère du peuple. Ah oui. I would start my own house. Il y a une chanson de Daniel Wimmel, je drague Roberto Henri, le nom de son enfant, elle nomme tous les noms du quartier. That would be me. Pour vrai, simple, j'aurais repeuplé des orphelinats. Right. Wow. So I blame children. Je pense que c'est pour ça que pour nous, c'est moins compliqué. Moi, j'aurais... Ah, oh, je dis non, c'est pas vrai, t'es ça par accident. Mais c'est plus compliqué en même temps. Je les aurais calculés pour avoir une armée de Virgo, mais... Ouais, oh, ben... Oh, ouais. Are you a Virgo? Il y a un mois dans l'année où tu pourras tabarnak. T'es Virgo, tu es vierge? Oh, cute. Ouais. Je suis connu pour avoir inventé le signe, à peu près. Mais ouais, moi, je pense quand même que, tu sais... Moi, je même... le sens. Moi, j'ai jamais été en couple de ma vie, genre, pis I feel like a fucking failure. Mon Dieu, je m'ouvre aujourd'hui. Oh. Mais genre... Not just being vulnerable on the pod. C'est mon Chiron qui est en cancer. J'ai peur de l'abandon comme de la peste. Yes. Mais genre, moi, c'est genre 34 ans, jamais été en couple. Je suis comme, j'ai-tu un problème? Je suis-tu brisé, genre? Y a-tu quelque chose qui fonctionne pas? La réponse à ça, c'est oui, je suis brisé, mais comme. La réponse, il n'y a pas de question là. Mais comme, comment ça, je sais pas, tu sais. J'ai hâte d'être le. C'est quoi les hosties de vase qu'on recolle avec de l'or, là? C'est un or japonais, là. Tout le monde me parle de ouais, ça. C'est, ouais, c'est. Non, c'est vraiment c'est pas ça. Pas ça, ça, hein? C'est des œufs russes. C'est des œufs russes, c'est, ouais, c'est pas ouais, ça. C'est vraiment. J'ai drop la seule knowledge de quelque chose de cher. La pauvreté se sent autour de la table. Eh boy. Oui, oui, oui. En tout cas. Je salue la personne que. C'est qui? C'était quoi le not me being knowledgeable. On the pod. Toujours les faits accurate sur De Vivre le matin. C'est un podcast de culture. Mais je comprends la pression sociétale qui nous fait sentir que ouais. Si on n'est pas capable d'être en couple genre, ou d'avoir vécu ça, mm-hmm. genre c'est nous qui se sentons étranges. Ceci étant ouais. dit, je trouve que quand même, t'sais, moi, des amis hétéros qui genre se séparent ou qui sont nouvellement célibataires, qui je suis des amis de la famille. Là. quand je connais pas hétéro. Tu sais, comme dans famille, genre moi, quand j'ai vu des séparations, genre tu vois que généralement les amis de ces personnes-là sont toutes en couple. Les hétéros fonctionnent en groupe, en oui. couple. Puis que quand tu te retrouves la personne seule, c'est weird. Nous autres, on n'est pas, tu sais, moi, mes amis... me disent pas comme pis quand est-ce que tu vas dater quelqu'un, tu sais. C'est qu'on a appris à se connaître tout seul. Les mes hétéros, ils sont pas appris à faire ça, eux. C'est qui, lui, déjà? C'est quoi son nom? Oui. Ah, ouais. C'est ça, le disent parce qu'on sait que tu dates tout le temps quelqu'un. On n'a pas besoin de poser la question, mauvais non, exemple. 100%. Mais je pense aussi, autre que les enfants, c'est que la raison pourquoi pour nous, c'est pas un truc aussi pas important, mais c'est pas un truc aussi où il y a une pression de se mettre oui. en couple. C'est que je crois que les hétéros, à force de... d'avoir été poussé dans cette notion de « il faut se mettre en famille, il faut commencer quelque chose de vrai » et tout ça, c'est qu'ils ne sont pas poussés à apprendre à se connaître eux-mêmes, ils apprennent à se connaître en couple. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est vrai. Oui. Les hétéros oui. adorent se bâtir ensemble. They love ouais. being somebody's oui. wife and somebody's husband. Mais c'est parce que pour beaucoup de gens, ils sont les enfants de leurs parents jusqu'à temps que c'est le chum, la blonde de quelqu'un. Exactement. C'est beaucoup, pour beaucoup ouais. de gens, c'est un passage quasiment instantané. Ouais, ce qui ouais. est triste. Je instantané, dire, j'exagère, mais un passage direct, mettons. Ouais, non, mais c'est vrai, là. Mais absolument. Puis, tu sais, moi, il y a aussi un truc de famille. Encore aujourd'hui, genre, étonnamment. Ouais. Mais moi, je remarque que, genre, ma sœur qui est hétéro, tu sais, on allait dans la famille, puis tout le monde lui demandait quand est-ce qu'elle allait avoir un chum. Moi, quand ça a été su que j'étais gay, personne ne me demandait quand j'allais avoir un chum. Ah, là. Non, ils ont peur de demander. Parce qu'ils veulent pas te voir avec, ils sont tellement pas. Exactly. Non, mais c'est ça, tu sais. Ouais, non, déjà, ils sont comme on a assez de voir deux mères ensemble, sacrement. Ah oui! C'est comme on est saturé qu'on lisse, là. Hey! Non, 100%, mais c'est. That's why I love looking at people in relationships. T'apprends tellement de choses juste en regardant les gens. Ouais. Mais moi, des fois, c'est, tu sais, les gens qui sont en couple depuis longtemps. Ouais. Puis qui ont des travers unbearable. Tu dis, il n'y a rien à faire avec cette personne-là parce qu'il y a quelqu'un qui l'aime depuis longtemps. Ouais. Comme ça. Ouais. Oui. Oui. Écoute, il y a des gens qui vont settle for anything and everything and anyone. Good for them. Wouldn't be us. Non. Okay. Non, moi, j'ai, comme tout le monde le sait, j'ai préféré settle pour personne. Mais je suis l'exemplification de vaut mieux être seul que mal accompagné quand on est. I agree ouais. with that. Yeah. Mais tu sais, pour revenir avec la vulnérabilité aussi, ouais. que des fois on a de la misère à avoir accès à, tu sais, je trouve que. Être avec quelqu'un puis genre justement se dédier à une option plutôt que de penser au choix constamment c'est aussi faire des sacrifices puis je trouve que c'est compliqué je trouve ouais. que tu sais il y a des gens qui sont plus prompts à faire des sacrifices que d'autres puis genre je parle pour ma gang mais les hommes cis là, faire des sacrifices pour les autres là, c'est non. pas c'est compliqué t'sais. Non mais c'est ça fait que ça fait pas des relations qui durent longtemps juste non. parce que ben à un moment donné faire des compromis le monde sont pas down puis tu sais moi étant un homme cis moi-même je peux bien chialer mais aussi souvent ben il y a bien des compromis que je ferais pas pour être en couple tu sais mais là c'est ça genre est-ce qu'on tombe encore en amour c'est-tu plus cool la romance oh ouf oui. That was a good one. That's a question. Ou est-ce qu'on est juste intéressé? Est-ce que la romance est uncool? Mais moi, c'est ça l'affaire. C'est que, tu sais. Parce qu'on est donc over it. Parce qu'on ouais. est donc détaché. Parce qu'on a donc ouais. pas peur de l'abandon de nous autres. Mais ouais. c'est que les gens n'accueillent pas la romance, genre, encore une fois, comme une banalité. For queer and gay people, la romance, c'est quelque chose de tellement dramatique. I'm like, somebody buying you flowers is not trying to marry you. Non. Genre, it's not that deep. Ouais. Les gens vont se sauver dès que... C'est vrai, non mais c'est vrai! Non, c'est ils vrai. Ont peur, ils ont une peur presque... Ouais. C'est incroyable, and people are so scared. Ouais. Et ils passent, ils passent à côté de choses, genre de relations qui pourraient non seulement durer, et si ça dure pas, c'est emmené, because not everything's gonna last. On le sait, c'est ok, oui, it's fine. Mais il y a du plaisir, il y a beaucoup de bonheur qui peut être amené dans ta vie, dans le moment où t'es en couple avec cette personne-là, mais tu vas tout jeter par la fenêtre because he or she is getting, or they're getting way too attached. Mais c'est quoi l'attachement? La personne, t'a, je sais pas, elle veut t'emmener au restaurant, elle veut t'acheter des fleurs, mais en vrai, encore une fois, elle se souvient pas de ton nom. C'est un emoji ton contact. Ouais. But you think that they feel so strongly about you. Ouais. Puis juste que quelqu'un montre de l'intérêt, en tout cas, tu sais, c'est comme... Là, ça devient comme, oh my God, tu te projettes dans plus. Mais je pense que, moi, ce que je trouve qui est compliqué à enregistrer, c'est que comme on n'est plus dans ce mythe du romantisme où ça dure pour toujours, on sait qu'il y a une fin. Oui. Fait que je pense que les gens pensent plus à la fin que de get carried par le début, parce que toute relation peut être une expérience, une aventure. Hein, c'est pas grave si ça se finit un moment donné et que c'est pas fait pour être pour toujours. Mais même moi j'ai de la misère quand je m'embarque avec des gens à pas comme être dans l'anticipation de la fin. Puis t'es juste comme, on n'est pas là, on peut vivre le moment aussi. Ouais. Moi, c'est ça l'affaire. Moi, c'est ça. Vivant, moi, je suis une personne qui a le sens, le sens profond d'une malédiction, le impending sense of doom. j'ai ça très profond en moi. Fait que tu sais, genre le meilleur exemple de ça, genre en termes de peur de l'abandon et de l'attachement, genre j'ai eu un hamster quand j'étais jeune, puis maintenant j'ai réalisé que cet hamster là un jour il allait mourir. Oui. Il a fallu se débarrasser du hamster, je dormais plus à la nuit là. Oh, c'était genre 7-8 ans, puis j'étais juste comme oh my god, genre babe. Fait que c'est ça, c'est pour ça que j'ai pas d'animal de compagnie non plus, je suis juste comme oh my god, je serais pas capable de dealer avec la faim, genre ça serait impossible, absolument impossible. Yeah, that's deep, that's pretty deep. Bon, après ça, c'est très facile de savoir d'où ça vient, mais je vous le dis pas. Mais là, il est où ce hamster-là, là, en ce moment? Je me demandais ça aussi. Probablement mort. Alors, on se parle du petit hamster, il est mort, là. C'est un autre enfant qui l'a acheté, il l'a crissé dans le micro-ondes ou quelque chose, je sais pas. Oh, mais... I don't give a fuck now, mais comme back then, c'était genre the hamster of my life. Et là, on savait que t'allais amener cette conversation-là, et justement, de l'autre côté de la porte, le hamster! On l'a invité! Ben ouais. C'est excellent, ça, Colis. Moi, j'ai come to peace avec le fait que je suis quand même romantique dans la vie, puis que c'est correct. Oui. Je suis pas exceptionnel, c'est pas quelque chose. Mais c'est vrai que très longtemps, je me réfugiais dans le cynisme, dans le genre, oh my god, c'est tellement pas pour moi ces affaires-là, je suis au-dessus de ça, voir que je serais vulnérable de même, oh my god. Puis là, genre, ça m'est arrivé une fois, puis j'étais comme, ok, c'est correct, ça arrive. C'est chill. Ah, moi, j'en ai beaucoup des peines d'amour, d'eau. Ah ouais. Oh Jesus, mais j'en ai aucune qui a marché. En fait, on n'a jamais été en couple de ma vie, c'est facile à savoir ça. Mais genre. But often these are the worst. Often these are the worst. Ah! Those really, those ce qui ne te tue pas te rend plus va fort. Revenir et essayer encore. Mais. That too. Oui. I'll quote you on this one. That's another one. That's another si one. Tu le tues pas toi-même, ça va revenir. To be quite honest. No, that's where you block the numbers. But. Non, 100%. Mais le pire, c'est que. Quand t'es in love puis unapologetic about it, ou quand t'es en peine d'amour puis unapologetic about it, y'a personne qui te fait te sentir pas cool ou qui est pas réceptif. T'sais, généralement, everyone's on board. C'est vraiment nous avec nous-mêmes. Là. T'sais, on n'irait jamais rire de quelqu'un en amour. Oui. Là, alors qu'on est super dur avec nous-mêmes dans comment qu'on expose notre vulnérabilité. Just c'est comme, oui, bon, toi, tu le ferais, là, ta gueule. Genre, j'ai des souvenirs de le faire aussi, mais j'ai comme... Oui, mais tu le ferais, genre drôle. Oui. Tu le ferais pas comme vrai de vrai. En fait, moi, je suis. Non, mais en fait, les souvenirs plus précis. I won't drop names, mais quand. Je me rappelle surtout de gens qui niaient, mais que c'était tellement au milieu. Je veux dire, quand tu passes la soirée à frencher quelqu'un, puis t'es comme non, on est pas ensemble. Je connais avec tabarnak. It's giving Meg dans Hercule de Disney. Oh my god. I love her. Ah ouais, les réminiscences. Let's go. Let's go. À peu près le seul film de Disney que j'ai écouté. Fallait que tu tombes dessus. Girlboss Icon. Oui, ils vont-tu faire un live action de ça finalement? Avec Destiny's Child dans le rôle des muses, ça serait écœurant. Oh, that would be a comeback. Ben oui, toi tu penses. Quoi? Je veux Michel. Je veux rien d'autre. Moi je veux bien là. Ils ont fait ça à elle. Rien d'autre d'avoir genre un rôle secondaire. Ils prendront quelqu'un d'autre, Asti. Ben quoi que c'est vrai qu'elle l'a fait pour Lion King. True, I mean, I heard the whole soundtrack. Maybe she would do it for Hercules, the whole soundtrack. That's it. Mais tu sais... Ouais, the whole soundtrack, c'est un old deal. Là. Right, that's a whole lot of Beyoncé for Hercule. Elle fait d'autres affaires, puis comme elle fait des enfants. Ouais. Là, autour de la table, trois personnes, trois identités de genre. Comment, pour précision, on a un homme cis, une personne non binaire, une femme trans. Comment cette identité-là joue dans la romance, dans notre façon de, d'approcher, de vivre et de réagir à la romance. Question deep. Mais en fait, moi, c'est un peu... Oui, je suis une femme trans, mais c'est aussi une femme trans non-binaire, parce que, obviously, j'ai pas fait le... Pardon. Le cheminement hormonal and everything, which doesn't change anything, that doesn't make it anything. Non, absolument, effectivement. Mais ça me met dans une situation différente, surtout que j'aime bien garder une moustache, mais ça me met dans une situation un peu différente. Mais je crois que la romance, je la vis en tant que, encore une fois, not settle for something qui n'est pas pour moi. C'est que c'est souvent, c'est facile de, quand, especially when you date someone avec social media, with les applications Grindr, Tinder, and everything, tout est basé sur l'image. Donc avant même de te rencontrer, les gens se font une image based on your physique. Ensuite, avec cette image-là, il y a les gender norms. Il y a so many different layers et des expériences différentes qui vont te mettre sur ton identité avant de te rencontrer. Et une fois qu'ils te rencontrent, parfois, ça peut poser problème. Je veux dire, il y a des gens qu'ils me voient sur les réseaux sociaux, ils me voient dans la rue, je ne sais pas. I'm extremely feminine, I'm a very feminine person. Genre, moi, je suis moins 35 degrés sur Saint-Laurent en talons ouverts. Moi, c'est un mode de vie, c'est une religion. That's it. C'est son calling. That's my calling. God and femininity is my calling, yes. Mais il y a des gens, donc moi, j'essaie de le vivre que ce n'est pas parce que je me mets avec, par exemple, un gars ou une personne qui est vraiment attirée par la féminité que je vais commencer à compromiser ma féminité, ma version de ma féminité pour cette personne-là. Donc c'est ça, moi je vois la romance comme... Parce que c'est dur des fois. C'est dur. Parce que t'es sur les applis ou whatever, là la personne t'appelle bro whatever. Ah, 100%. Que bro, c'est assez rare sur Grindr quand même, j'exagère, mais... You genre, would be surprised. Je sais. Ouais, salut mister, ça j'en ai pas mal. Beau bonhomme, handsome, puis là la personne est cute. Là t'es comme, oh j'ai dit tu. Ta face quand t'as dit beau mal. Beau mal, that one always kills me. That one always kills me. That's the quickest block. Puis là, genre, t'es comme, ah, mais là, il est cute. Puis là, t'es comme, ah, j'ai dit tu. Puis là, des fois, il est juste, il est cute ou il est pas cute, ça n'a pas d'importance. Puis t'es comme, ah, c'est-tu ma job, est-ce que tu te rembarquer là-dedans sur fucking Grindr? Whatever. Là, fait que là, j'ai une photo prête à cette heure de genre, c'est mon profil avec une grosse flèche rouge qui pointe vers non-binaire. Puis j'envoie ça aux gens quand je t'ai carré. Là, je suis juste comme, je te l'explique pas, je t'envoie un visuel. Non, moi, moi, c'est vraiment plus le truc de genre, j'ai une présentation sur photo ou genre, si je parle pas, qui est assez masculine. Mais c'est vrai que j'ai une grosse voix de tapette, puis que genre, je crie, puis que je suis extra et tout. Mais toi, puis moi, on a le même privilège. Genre, tant qu'on parle pas, on peut le cacher. Mais c'est ça. Mais moi, l'affaire, c'est que il y a du monde qui sont comme pas on board with that, puis qui sont comme, ah, mais tu sais, un peu comme si je présentais une image vraiment différente de qui je suis, puis je suis juste comme, listen, genre. Ouais, je suis comme, listen, bitch, genre, c'est même que comme, je suis juste de même, puis aussi, comme... Il faudrait que ta photo, ça soit comme ça, genre, avec le poignet cassé, pour être sûr que les gens comprennent que t'es femme. Non, mais aussi, comme, let me be gay, genre, for fuck's sake, genre, on est des hommes gays qui se datent, c'est quoi le problème que, genre, je sonne comme un homosexuel, je suis un homosexuel, comme, qu'est-ce qui... Le nombre de fois que j'ai vu des amis capoter parce qu'ils ont dit yes au lieu de yes sur Grindr, pis t'es comme, oh my god, là, il va savoir que je suis une petite tapette, pis là, ça marchera pas, pis là, je suis comme... It's quite... Et c'est fou, moi, je me souviens avant... Quand j'étais un peu plus jeune et que je faisais encore mon parcours dans mon gender identity and everything, pardonnez-moi, moi j'étais une grande actrice. Hein? Déjà à la base, les gars venaient chez moi, je cache les perruques sous le lit, je cache les... J'étais une grande actrice, I used to go by the name of Romeo. Les gens me voyaient, moi c'était Romeo, mais c'est pour les intimes, c'est pour les gens qui me connaissent pour le vrai. Et après un certain nombre de temps, il y avait un gars que je voyais pendant tellement... Je l'ai vu pendant peut-être un an lui aussi. Et le secret a été dévoilé, pas par moi, parce que le monde est petit. Il connaissait ma meilleure amie, c'est son cousin. Donc là, ils sont à un baptême. Et là, elle fait la promotion de sa meilleure amie. Elle fait, vous avez vu Chris depuis quelque temps? Look at her, she's doing her thing. Et là, elle lui montre Chris. Et je te jure, elle m'a dit, chérie, le regard sur son visage, maintenant que tu me dis que tu le connais, là, je comprends pourquoi. Il était choqué. Et depuis, j'ai plus entendu parler de lui. Mais ça me dérange pas. Il a eu un enfant, à ce qui paraît maintenant. Good for him. Mais à un moment donné, c'est ça aussi. C'est que moi, on s'entend. Là, genre, les gens qui sont comme, ah, mais là, je peux pas croire comme la manière dont tu t'exprimes, c'est trop féminin. Je suis comme self-triage. Là. Moi, je veux pas. Ouais. Comme ça fonctionne pas avec toi, clairement. Genre, c'est pas la tête. C'est ça, le you don't deserve me, ça va. Faut le prendre comme ça. Mais c'est juste comme, c'est quand même lourd, les gender. Mais c'est triste. Moi, je trouve ça triste. Oui, c'est ça. Inversement. Moins souvent, mais c'est arrivé quand même, et ça m'a vraiment surpris. Genre, on m'a passif-agressivement, disons, on m'a déjà sous-entendu, genre, que j'en faisais pas assez pour montrer que j'étais non-binaire. Physiquement, genre, c'était ça le sous-entendu, puis j'étais comme... Puis genre, deux, trois fois, là, genre, j'étais comme, quel bizarre encounter, genre, je suis comme... Premièrement, je te dois rien à toi. Déjà. Cette personne qui me l'a dit, je te draguerai pas, mais t'es chanceux. T'es chanceux, je suis pas dans le mood. Mais quand j'étais comme for real, genre, pis c'est arrivé sur Grindr aussi, genre, j'étais comme, ah, mais on, genre, c'était une personne non binaire qui m'a quasiment appelé monsieur. J'étais comme, ok, mais là, Get your politics together, ouais. Calis. Puis là, j'étais comme, mais non. Genre, puis je sais que sur ma photo, j'ai l'air d'un petit monsieur, mais genre, I'm not un petit monsieur. Genre, en plus, c'est drôle parce que j'ai jamais été autant moins ferme que depuis que j'ai fait mon communion non-binaire, juste parce que j'aime ça, la confusion et le chaos. Right. Fait qu'après ça, je peux pas trop blâmer. Ben oui, je peux blâmer le monde engageux, je m'en galisse. Mais comme, I play on that. Mais toujours est-il que, inversement, des fois, il y a des attentes genre de, ouais, d'androgynie ou de, ouais, de, ouais, de faudrait peut-être que je mette du cutex, I guess, que c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais. Puis que j'aille un septum, un piercing. Ouais. C'est le non-binary thing, ouais, c'est ça, les calices de cheveux verts, tabarnak. Ouais. Non, ouais. 100%. It's... Je m'excuse. Ah, ben là, on va recevoir des emails. Ouais, c'est très précis, là. On en connaît quelques-uns, je crois. C'est ouais, sorry, guys. Deux, je crois. It's all love. It's all love. It's all love. It's all love. Fait que, qu'est-ce qu'on love le plus, nous autres, à 2 fifs le matin? Le café. Le café. Le café. On s'en va se chercher un café, oui, liquide, brun, oui, chaud. Everybody dans un contenant café. Avec la gravité. Oui. Un contenant qui contient. Everybody say café. Everybody café. Say café. Café. C'est ça, la tune de Mitsu, écrite par RuPaul. Ouais. Voilà. Bon, ben on revient, on veut caféiné. Caféiné over. On l'a aimé, ce café. On l'a aimé. On lui a fait l'amour avec notre bouche, notre déglutition, notre œsophage. C'était jamais été. Notre œsophage. C'était déprimant à dire, ça me fait penser, il y a quelqu'un sur TikTok qui fait des vidéos genre de couple parfait, mais c'est lui-même avec lui-même. Oh, c'est tellement c'est bon, triste. C'est là. Bon. C'est tellement... C'est bon, mais moi, je trouve ça triste en même temps. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, comme... La performance du couple sur les médias sociaux, puis d'être en couple, oh et de faire Dieu. Des affaires cute et de les exposer comme couple. J'ai fait ça. Moi, si je peux donner one piece of advice, anybody listening at home, keep that to yourself. Keep ouais. that. Because the day the relationship ends. And ah then oui. Ah, puis là, le feed doit être effacé au complet. Et pour les ouais, trois non, prochaines après, années, tu dois dire non, je suis plus sa girlfriend. Moi, ce que j'aime le plus non, des. Ouais. des... Right? Ah oui, parce que là, tout le monde va dire. Ah, tout ouais. le monde. Mais oui, vous êtes un couple, c'est Brad et Angelina. It's, you know, it's, ouais. c'est ouais, un couple, ouais, là. Ouais, c'est... Ouais, ouais, ouais, mais moi, c'est ça. Mais par contre, ce que j'aime le plus des comptes de couple, c'est ouais. justement quand ça finit. Ah. Là, c'est bon parce que là, ils se créent les comptes séparés. Et tu fais l'investigative work. Which one was the last post they deleted? Ah, that's so good. Là, il faut que tu checkes parce que des fois, ils ont du contenu d'avance. Fait que là, ouais. faut que tu checkes vraiment quand est-ce que ça finit à décès. Les commentaires. Moi, c'est les OnlyFans de couple. Là. Je suis comme là, déjà que vous êtes en couple, vous avez une sexualité active. Tabarnak, essayez pas de hustle some money from me pour que je vous regarde. Là. Ça va. Les OnlyFans de couple. Oh ah oui! Moi, je suis comme, trouvez-vous d'autres projets de couple? Sacrament, achetez-vous un chalet, là. Bon, ok, je comprends que c'est. Je comprends que. Je comprends, je comprends que ça n'a pas d'allure ce que je viens de dire, parce que je peux pas. Même si j'avais quelqu'un qui faisait autant d'argent que moi, on pourrait pas s'acheter un oui, chalet. Oui. Mais. C'est surtout que c'est bien plus le fun de passer une fin de semaine au chalet d'un ami que sur son OnlyFans, oui. En tout cas, pour ma part. Oui. Fait que, achetez-vous des chalets, tout le monde. Oh, oui. Parce que moi, je le ferais pas, mais j'ai besoin de passer une fin de semaine dans la nature de temps en temps. C'est more sustainable. Voilà. C'est comme les chars. J'en veux pas, mais essayez d'en avoir au moins un par deux personnes pour que je puisse demander des livres. C'est du travail, là. Moi, je voudrais pas que ce soit. Ça dépend du OnlyFans, m'a dire. Ah. C'est du travail. Question de travail, ça, il y en a beaucoup que c'est une caméra scotchée avec du tape oui. au plafond, puis ça finit là en tabarnak. Et c'est à vos risques et les périls, une fois que t'as payé, c'est là que t'apprends c'est quoi la qualité du projet. Mais I've been there. Mais. Je veux dire, we are there avec we le podcast. There, genre, on est peut-être pas tout nu, mais c'est pas loin en termes de qualité. Ben non, ben non. Ben. Couple, les OnlyFans de couple, moi ça me tue toujours because I'll never forget one of them. And I used to be a fan. And maybe one day they'll come back to it. Mais tu vois, encore une fois, les réseaux sociaux, c'est utilisé pour promouvoir les OnlyFans. Oui. Up until the OnlyFans goes to shit. Et on a un qui se sauve avec le code. Et là, c'est sur les stories, ça fait des fights. C'est, ça s'explique. C'est qui a vu cette personne. Ils ont parti avec les codes. Ils ont toutes les vidéos. And I'm sitting at home and I'm like, well, damn. C'est beaucoup de content sur c'est quelqu'un qui t'aime soudainement vraiment plus. Exactly. I'm like, that's oui. quite sad. Oui. Mais bon, faites attention avec qui vous faites vos vidéos. Surtout hein. que, ben c'est ça. Surtout ouais. que, tu sais, en plus, c'est comme quand ta séparation est publique. Ben oui. Ça ajoute une pression indue, puis là, ça peut devenir très messy. Ça, oh, extremely mon... messy. Because now you have to explain yourself. Ah, moi, en tout cas, moi, un break-up, je trouve que ça implique souvent un tour de relation de presse, mais tu sais, genre, moi, pour... non, mais c'est vrai, moi, j'ai jamais mis aucune de mes relations clairement sur les jamais. Médias sociaux, puis je trouve que. T'as quand même besoin de faire un tour de relation de presse pour annoncer ta séparation, les raisons, comment tu te sens, ce qui s'est passé, nanana. Mmh. Fait que je suis comme, si en plus tout est ces réseaux sociaux, puis là tout le monde t'en parle, puis tout le monde est comme, as a matter of fact, oh my god. Fait que ce qui m'amène à, Ah oui, parce que là, en rafale, on va se prendre pour le magazine Cool, puis on va poser des questions à Miss Chris sur des hot topics relationnels. Okay. Puis là, il y en a une que c'est à partir de quand c'est correct de poster une photo cute avec quelqu'un que tu dates sur tes médias sociaux. Mm-hmm. Le truc, c'est pas de le faire ou pas, c'est quoi le délai acceptable d'avoir daté quelqu'un pour pouvoir poster une photo cute. Moi, personnellement, je suis une grande... Une photo cute qui implique clairement que vous vous datez, là, pas juste hein, on est les deux sur une photo. Ouais, whatever. Ok. Well, me, I'm all here for posting pictures of your hookups if they're comfortable. Moi, je suis... Ça peut commencer le premier date quand vous commencez à parler. Non, là. Moi, je trouve qu'il y a des contextes, mettons, en voyage, là, tu vois deux tapettes prendre une photo ensemble, t'es comme, il faut, great. Ben oui. Good for that. The OnlyFans coming up next. That's mais je pense que si tu, if you're dating somebody seriously, c'est un truc pour de vrai, genre vous, il y a des émotions et tout. I think à partir du moment que tous tes amis proches l'ont rencontré. Ouais. If all your close friends met him more than once, et pas une seule fois, genre ouais on les a vus dans un parc et on s'est croisés à vélo. Non. Vous êtes rencontrés plus d'une fois. Ouais. And they like that person, then yeah, go ahead. Oui. Ça, c'est notre façon de faire le matin, de dire on veut pas entendre parler tant qu'on est sûr que ça va être bon pour un petit bout. Mais moi, pour vrai, ça me prend du self-control pour pas faire ces affaires-là. Ah ouais. Moi, quand je trouve quelqu'un cute puis que genre c'est le fun puis tout, j'ai le goût de le faire puis il faut que je fasse comme non. Ben, on va pas, tu sais, tout le monde va savoir ce que ça veut dire, même si je donne pas de hits, Il y a aussi le classique, je fais 47 stories de mon chum par jour. Là. Ah non, mais aussi, c'est une autre histoire. Mais Again, I won't drop names. Connaissez-vous. Mais le plus tu poses de personnes that you're talking or dating to, then it gets confusing. They don't know who's who. So my thing is post everybody. Oui, c'est ça, je suis comme, qui je suis exactement. Exactly, post everyone, they won't even know who's the one. I love it. À partir de quel moment c'est pas correct de ghoster? C'est jamais vraiment correct de ghoster. Genre moi, je trouve que ça dépend. Moi, je trouve que ça dépend. Si on s'est rencontré une seule fois et personally, j'ai trouvé que c'était horrible. Une seule fois, j'avoue que Tu m'as fait un truc vraiment plus d'une fois, par exemple. On s'est vu deux, trois fois, mais la troisième fois, encore une fois, c'était sur une base de... C'est sur une base easygoing. Et au troisième rendez-vous, something happened, j'ai vraiment pas apprécié. Then sure, you might not ever hear from me. Mais je pense que, comme tu l'as dit, c'est bien de laisser savoir aux gens. Oui. Moi, one thing I always say about me, you can say whatever you want to say about me, you can't call me a liar and you can't call me ugly. I don't lie. I will not lie. If I don't like certain things, I will tell you. Parce que c'est ça, des fois aussi, je suis comme, moi je le dis aussi pour pas que ça arrive à quelqu'un d'autre. Ouais, aussi, exactement. Des fois, je suis comme, hey, ça c'était vraiment de la merde, ça on s'en reparlera pas. Ouais. You will never see me again. Ou j'aimerais so ça you know. Savoir moi, genre, j'aimerais aussi. Ça qu'on me le dise pour pas que je le refasse à quelqu'un aussi. D'autre si jamais j'ai fait de quoi, tu sais. Aussi, ça peut venir de moi aussi, là. It can, like, listen, me, I remember, I used to date this person for. Not even dating. We were seeing each other on an easygoing basis. Ouais. Mais c'était pas seulement on sex basis. It was a lot of hanging out and everything pendant 8 mois. It's a situation. Une éternité, ouais, une éternité pendant 8 mois. And we talked about emotions. We talked about a lot of things. It was always clear que c'était pas vraiment sérieux, mais il y avait vraiment c'était émotionnellement involved. Et après 8 mois, le ghosting a commencé genre discrètement, très doucement, pour que 3e mois après les 8 mois, là, c'était un ghosting complet. Ouais, I found out through social media that they were back in Montreal. Not okay. Tu comprends? Et c'est un until this day, I don't know. I was able to see them maybe 6 months after, and then I told them, I said, what the hell happened? Because once I'm a straight shooter, pow pow. Ouais. If you want to say hi to me, I'll say hi to you, but we'll talk about what happened. And they said, you know, ils sont venus avec une excuse plutôt. Une excuse qui ne me dit pas grand chose en vrai, mais ça m'a laissé savoir que they don't know what they're doing. They have no excuse, really. And that's an excuse in itself. Ouais. Donc, Moi, là où je serais d'accord sur le ghosting, c'est quand tout a été dit. Oui, aussi. Des fois, il y a du monde qui ne veulent pas s'avouer que tout a été dit, puis qui veulent juste continuer de se pogner ou de s'engueuler ou de s'ostiner ou whatever. Puis je suis comme. Moi, genre, j'ai déjà parlé de mon silence treatment ouvertement, puis moi, c'est général. Genre, je suis capable de. We bring it to the grave. Sauf que, en tout cas, pour ma défense, j'ai toujours dit ce que j'avais à dire. Si à un moment donné, on fait juste tourner en rond, moi, je vais tune out. We said what we said. Tune out. J'ai pas besoin de ça dans ma vie. Genre, si j'ai tout dit ce que j'avais à dire, puis que le problème se règle pas, c'est que c'est, ça se réglera pas. Moi, je vais pas me faire du mal. Moi, quand les moments, je trouve que c'est correct le ghosting, c'est que, tu sais, si. Si tu recontactes pas la personne, mais que la personne prend les devants pour faire comme « Hey, c'était le fun. Pour moi, ça fonctionnera pas. » Je suis comme « J'apprécie que tu sois upfront. Ceci étant dit, who asked you? » Je t'ai pas encore contacté, là. You're not that important. moi, je le vois pas comme quelqu'un qui se pense important. Je le vois comme quelqu'un qui est juste comme « Recontacte-moi pas, ça m'arrangerait. » Ouais, mais comme je comprends... ça, j'aurais pas besoin de le faire quand tu vas me contacter. Genre. En même temps, moi, je suis comme, tu sais, ça marche pas mon bar, je suis comme great, tu sais. Ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu sais, moi, si quelqu'un fait comme, ah, j'aimerais ça te revoir, puis que je suis comme, je pense que moi, c'est pas ça. Ou genre, moi, tu sais, comme, là, je trouve que c'est correct, mais je trouve quelqu'un qui va out of their way pour faire comme, en passant, it's not it for me, je suis comme, it's giving, tu dis allô sur Grindr, puis la personne est comme, pas pour moi, merci, puis t'es juste comme, je réponds pas. Je sais pas, j'aime les choses dites. Je suis un peu in between, parce que je suis un peu des deux, moi, personnellement. Ah, mais toi, je me choque pas si le monde le t'es, genre, je suis pas, genre, oh my god, il m'a juste pas répondu. Oui, mais l'affaire avec le dating aussi, c'est que si tu veux dater, il faut pas que t'aies peur du rejet, juste parce que c'est sûr que ça va pas fonctionner first shot, là. Non. C'est ça, puis tu peux pas être pour tout le monde, puis tout le monde peut pas être pour toi, puis c'est correct, là, t'sais. Non, 100%. C'est tellement vrai, ça, and I always tell my friends, genre, des gens, par exemple, sur Ask Me Excuse qui me posent des questions sur how do I flirt, how do I make myself sexy, how do I... I'm like, you don't have to make yourself anything, be yourself and somebody will like it. You can always enhance. Tu peux toujours te mettre dans des situations où t'es plus avantageux, avantageuse, whatever. Mm-hmm. Tu peux te forcer à être plus social. Nanana, mais oui. Tu ne peux pas te forcer à être le type de quelqu'un. Oui. You don't know what somebody likes at the end of the day. Tu peux avoir toutes ces idées. Ah, il m'a dit bonjour, il a été super gentil, je pense qu'il m'aime. Tu fais 5 pieds 2, il est into somebody that's 6 feet 5. Ça ne fonctionnera pas, there's nothing you can do. Par contre, you know? Si on veut être sérieux, sérieuse about it, ouais. Les meilleurs endroits pour dater sérieusement, happy, endroit, le contexte. Honestly, if you want to go to a speed dating club. Ah ouais, let's go lovers de Laval, tout le monde, c'est là que ça se passe. Because that's what those people are actually actively looking for. Uh-huh. C'est ce que les gens qui sont... Oui, j'avoue qu'il faut que tu places où c'est classe. Ah, c'est comme les sauna version dating. LSD, le lesbian speed dating, là, ben ça a l'air lit. Oui. Ça a l'air lit. Ben, oui. Listen, 100%. On devrait faire la même... Non, for faggots, it would turn into an orgy. LSG. I feel like for faggot for oh my god. Well, you know what? I used to be a faggot once. Wait. Yes, oh my god, hey, là, t'es queer, tu peux dire le F word, le calliste. Thank you. F word, je veux le faggot. Est-ce que tu dis faggot? Faggot! On dit dyke site, là, pis ça va, personne nous envoie des emails encore. Fags and for all, everything in between. Ce qui me tuerait avec un lesbian speed, gay speed dating, c'est que I feel like everybody would already know each other. No way. And the biblical sense of the term. Ouais. Everybody would already know each other, ça mènerait à une orgie, comme t'as dit, à autre chose. Mais ouais, non, speed dating would be the best place, honestly, if you want to go... C'est que tu ne peux pas savoir ce que les gens recherchent à la base. Mais moi, je... You know? Moi, je pense que ce qui est bien, c'est dire clairement que c'est ça que tu cherches straight up, en aussi. Fait. Aussi. Ah, 100% aussi. Juste parce que... LTR. Mais je trouve que... Tu sais, puis trouve ta manière à toi de formuler, parce que moi, je dirais jamais LTR, je trouve c'est lettre. T'es sorry de moi. Je trouve c'est lettre. Non, tu sais... cherche une relation LTR, je suis comme ok là ça veut en tout cas tu sais mais je trouve la manière pour toi d'envoyer un signe que puis c'est à partir de là s'il y a d'autres choses qui se passent il y a d'autres choses qui se passent c'est juste que je trouve que généralement quand tu signales de l'ouverture à autre chose qui est pas du dating les gens vont aim pour mais ça oui. Parce que c'est vrai que c'est comme techniquement plus ambitieux ou engageant de faire comme d'avoir à dire oui moi aussi c'est ça que je cherche tandis que si tu rends ça clair sur ton profil que c'est ça que tu cherches les gens vont venir là tu peux tenir pour acquis que les gens vont là pour ça puis t'as pas nécessairement à le dire tandis que si tu donnes plusieurs options les gens vont sûrement s'adore pour la moins engageante c'est ça the easy way out yep oh wait I was gonna say something about c'était quoi le terme pardon my god LTR. LTR, ouais. LTR. Non, Thing about relationships and looking for relationships, j'ai dit ça à une très bonne amie à moi l'an dernier and I will never forget. On peut... J'aime ça, c'est pas... Quelqu'un m'a dit puis je vais jamais oublier. Non. J'ai dit ça puis je vais jamais oublier. Moi, je suis très d'accord avec ce verbe. Moi, je fonctionne de la même manière. I am big on quoting myself because I know what I think and I know where I stand. Love qui d'autre je pourrais quoter de toute façon? Love it. What I told my friend is, elle me racontait qu'elle voulait tellement un long-term relationship que elle cherche. Et je lui dis, écoute chérie, you can go out of your house seeking a relationship 365 days a year. Et tu vas la trouver on the 366th day. Right. You will never know when Tina Turner, God, the universe, and whatnot are when they're ready to really put you in a relationship. You will never know. Tu peux essayer. Tu peux rencontrer. C'est pour ça qu'il faut se forcer à aller à l'extérieur pour rencontrer les gens, pour once again meet new people, to find new things, experience new things. Mais à la base, c'est que tu ne peux pas. Pas forcer les choses. Et moi, c'est un truc que j'apprends because my last real relationship was 4 years ago. 4 years ago, c'était avant la pandémie, j'avais même pas... Was I 20? I'm losing my age every day. Yes, I was 20. I was 20 4 years ago. So, mm-hmm. je venais d'entrer dans la vingtaine and I'm like, now I'm 25 turning in a few months next year. Et ouais. je me dis, toujours pas une autre relation sérieuse depuis. But I can't force it. Et je me mets là, écoute, il y a les situationships qui se présentent à tous les mois. That's very nice. Yes, yes, yes. Mais I can't... Moi, je suis preneuse. Mais I can only do so much. Mm-hmm. Non, puis aussi, je trouve que c'est de... Des fois, c'est de choisir la balance entre, genre, pas avoir l'impression de settle for less, oui. mais aussi de laisser le temps d'apprivoiser les gens. Exactement. Ouais. Les gens peuvent pas être spot on tout ce dont t'as besoin, tout ce que tu voulais, tout ce que t'attendais dès le début. Parfois, ça arrive. C'est compliqué à gérer. Ouais, t'sais. Parfois, ça arrive, mais c'est tellement rare, genre, dans un coup de foudre. Moi, je me méfie. Moi, je me méfie quand ça arrive. Oh, ça, c'est mes préférés. I always tell people, I'm like, if I'm not feeling it, you know, if I'm feeling it the first time I see you, I'm a Venus in Aries. So moi, je suis une grande chasseresse, là. Artemis, c'est love moi. That shit. Yes. If I know, I know what I like, and when I see something that I like, I go for it. Chasseresse? Oui, yes. C'est chasseuse ou Non, c'est chasseresse. C'est une chasseresse. Ah, moi, chasseresse, j'ai déjà entendu ça. Oh, I live for chasseresse. Attendez, ouais, need... téléphones, ouais. moi, je... Google-moi ça. Chasseresse. Chasseresse. Faut... Also, oui. genre, moi, je commence la saison 4 de Crash Tonté en disant Free Drag Name. Chasseresse, oui, absolument, absolument. Oh my goodness. I love it. Oui. By the way, la saison 4 de Crash Tonté qui ne sera pas à propos de Canada Against the World. On le fera pas. On est vraiment désolé tout le monde. Ça marche pas dans notre calendrier puis ça nous tente pas. Mais puis aussi, hey, tabarnak, on a déjà une saison de deux fifs. Genre, on est passé de Crash Tonté à deux fifs. On va pas faire trois saisons consécutives. Non, je suis vraiment désolé. Moi, j'en plus, je suis au bord de la crise de nerfs. Ça n'a aucune chance que ça se passe. Eux autres, ils sont encore lisses. Ils vont extirper tout ce qu'ils peuvent de nous autres. Hein? Vous nous utilisez. Est-ce que c'est un mot? Le féminin chasseresse. Courant de chasseur et chasseuse. Oh. Elle est excellente quand elle est chasseuse. Chasseresse appartient à la langue poétique. Ah. Still a word. Ah, chasseresse. See, I know what I'm talking about. Yeah. Moi, je poétique. Fair Thank enough. You. Fair enough. But long story short, ouais, donc faut savoir se mettre. Go outside, get out and get some. Another one. Faut aller chasser. Faut aller chasser. Moi, je suis cancer avec Vénus en cancer. Là. Imagine comment je suis un lover boy. Là. Oh I mean, that's it. Anyways. Yeah. Fait que, meilleure idée de date selon Miss Chris? Oh my God, cooking. I am big on cooking. C'est ça l'affaire. Si je fais ça, ils veulent me marier, moi. But, see, that's it. There you go. There you go. No, it's good. I love... J'ai fait ça récemment. I think I had a date not too long ago. J'ai fait du pudding chômeur. Ah, fuck yes! I know. I had the time of pudding my pudding canadien life. D'urgence. Ça a changé pendant la pandémie. Oh, mon Dieu. C'est PCU. Oh, my God! Merci, Charlie, pour cette excellente guerre. Yes. I love PCU, Bravo. Exactly. Oui. Mais Charlie est drôle, tout le monde. Engagez-la comme stand-up. That's it. Voilà. Hey, la grosse plug. Hein. Charlie est drôle. Charlie est drôle! C'est un Maurice fait. De la relève! Ouais, cuisiner. Cuisiner is a big thing. Ouais, j'adore cuisiner personnellement. Mais OK, l'affaire, c'est que je comprends l'aspect être dans une cuisine à faire quelque chose, puis aussi tu partages des moments. Tu sais, comme tu peux jaser, mais faire quelque chose en même temps. Yeah. Moi, ce qui me fait peur, ce qui m'effraie dans ce scénario-là, c'est avoir la personne chez moi. Juste parce que c'est une date, puis que finalement, la personne, la vibe est moyenne, j'ai pas envie. D'avoir à attendre que le pudding chômeur sorte du four, qu'il refroidisse, qu'on en mange pour faire comme. Mais c'est ça l'affaire aussi. Parfait, c'est ton cue. C'est peut-être pas le meilleur soir pour cuisiner un filet mignon c'est dans un puis, en croûte, là, ou je sais pas quoi. L'autre danger, c'est que si ça va bien, je me connais. Ah oui. Je suis une pécheresse. Une pécheresse. promiscuous. genre, je suis libidineuse. Ouais, ouais, libertine. Puis, l'affaire, c'est que je suis pas en train de dire qu'il faut jamais coucher avec quelqu'un le premier soir puis que je vais venir vous slut-shamer chez vous dans votre sommeil à travers votre sleep. Je vais être votre sleep demand paralysis. Je vais vous dire mon jet slut. La madame 7 heures. Non, mais c'est vrai que des fois, ça peut être le fun de pas. Ben, si c'est à l'extérieur, un truc que j'ai fait récemment. Non, mais ça, je comprends pas. Non, c'est l'argument, c'est que des fois, ça peut être le fun de pas. Non, mais c'est vrai you que. Know that. Non, mais du temps. Non, mais en même temps, pour moi, c'est pas de fourrer la première date, en fait. Mm-hmm. C'est plus le truc de si tu couches avec quelqu'un la première date, est-ce qu'il reste dormir ou est-ce qu'il reste pas dormir? S'il reste pas dormir, quel message t'envoie? Si la personne se réveille chez toi, c'est quand même intime, se réveiller ensemble, savoir quoi faire, faut que tu sois sûr que ça se passe bien. Ouais. Si ça se passe pas si bien que ça, est-ce que tu dis, bon, ben, dans le fond, c'était bien, mais je sais pas si je... Tu sais, je trouve que ça... Pour moi, en contexte de date, c'est vraiment le réveil après qui crée trop d'intimité c'est rapidement. C'est sûr, c'est plus facile s'en aller que dire à quelqu'un de s'en aller. Oui, mais l'affaire, c'est aussi, que si j'adore c'est aller pour ça chez que toutes les autres relations finissent en ghosting, mais oui. Ouais. Mais si c'est une première date, puis là, la personne s'en va, quelle impression ça laisse, que là, c'était le fun, puis là, t'as fait ensemble, c'était le fun, mais là, la personne s'en va. Mais là, tu sais, c'est ça, moi, c'est là où. C'est pas le sexe le problème, c'est ce qui se passe autour. Mm-hmm. Si vous dans une ruelle comme tout familier. Le monde après la date, puis rentrez chez vous, sacrément. C'est ça, j'allais dire, moi, ma meilleure date, c'est un glory hole, on se voit pas, on se parle pas, je te l'envoie dans le fond de la gorge, puis c'est fini. Bah. Puis qu'est-ce qu'on fera pas d'enfer avec mon sperme, je te le jure. Si ça finira pas dans un Halloween au bureau, je vous en parle. Meilleure idée de date selon Jess, un glory hole. Oui. Great. Mais je pense que ma meilleure quote, ça va vraiment être mon sperme finira pas dans un Halloween au bureau. Non. Qu'est-ce qui fait sens dans cette phrase-là? C'est très, très bon. Aidez-moi. Très, très bon. Contexte. Oui. Coucher avec ses amis, yay or nay? Ah, big yay. Ah, je pense aussi. Big. Moi aussi, je suis un firm believer of yay. I'm a firm believer of yay simply for the simple reason that I feel like on devrait tous et toutes et tous être assez matures pour avoir ces conversations et not get ourselves too involved. Je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas confortables. Ça, c'est une autre expérience. If you're not comfortable, have that conversation. Mais le truc avec sexe is we make sex to be such a dramatic, such a thing. Mm. Like, encore une fois, j'ai une vraie relation avec un homme que je ne connais pas son nom. And we have sex all the time. Hey. Now, what's the difference with somebody that I actually care for? Mm. That I would be able to make sure that person sexually their needs are met and whatever, and then outside of that, parce qu'il y a la compatibilité sexuelle aussi. Parfois, la compatibilité sexuelle, ça va avec les amis aussi. Sans t'en rendre compte, il y a des amis par exemple que je peux avoir une compatibilité sexuelle. Vous parlez de ce que vous aimez faire avec vos partenaires respectueux et tout, et vous rendez compte que vous complétez. Now, I'm not saying go cheat on your significant other with your best friend, but what I'm saying is you can be open to it. Ouais. Moi, je suis pour à 100%. Ah, la règle non écrite. Non, jamais. C'est comme des frères. Je suis comme non. Après, tu peux avoir des relations comme ça avec des gens. Ça arrive. Ouais, mais aussi... comme, oh my god, ça serait... genre, je coucherai jamais avec Charlie. Genre, that's not gonna happen. Wow, that's it. Genre, that's not gonna happen, mais c'est parce que j'aime ça me sentir spécial. Wow, Jess qui va out of her way pour me rejeter direct en me parlant alors que j'ai rien demandé. Oui. Wow. Tu vois, then again, genre. Then again, moi, je viens t'envoyer un texte. Genre, je m'excuse, mais ça marchera pas. Sans que tu me le demandes. But yeah, I feel like we should all just be able to talk about it. Une fois que t'en parles, c'est facile. Moi, j'avoue que c'est pas le principe de coucher avec des amis, c'est plus comment le désir se crée. C'est-à-dire que pour moi, il faut qu'il y ait soit eu un désir latent depuis le début, mais d'avoir soudainement ce désir pour des amis, c'est pas quelque chose qui se produit beaucoup. C'est vrai, ça. Moi, quand je vivais à Buenos Aires, mes amis, c'était tous des artistes weird qui, genre, couchaient tous ensemble entre amis. Puis j'étais comme, oh my god, c'est tellement des paramètres le fun, c'est tellement cool. Puis genre, tu sais, j'ai participé dans cette agglomération-là de genre, ce qui se passe. J'étais comme, c'est tellement nice. Je revenais à Montréal, j'étais comme, pourquoi on fait pas ça? Puis là, je me suis retrouvé dans mes cercles avec mes amis, puis j'étais comme, c'est vrai, on est tous pognés, puis c'est correct. Oui. ouais. C'est correct, ok, ça va. Mais c'est vrai qu'en termes d'idéal, oui, mais c'est ça, dans l'opérationnel, d'avoir du désir pour ses amis, je sais pas comment ça spark, mais j'ai l'impression aussi que, genre, gay guys are dumb, là, c'est genre, si you've got three strikes, puis si les trois premières fois que tu vois quelqu'un t'as pas couché avec, it's done, tu fais partie des meubles, t'es plus nouveau nouvelle, puis genre, t'as plus aucune chance. Parce que c'est trop important de pas connaître le monde avec qui qu'on couche. Hey, sacrament, imagine s'ils connaissaient ton nom de famille. Mais ça, c'est la peur de la vulnérabilité qui kick in again, que je pense, là, que je dis, là, moi, je suis là, puis je drop des informations psychologiques de haut niveau, mais non. Je sais plus c'était qui, mais genre, un de mes amis qui était juste dans son cell sur son WhatsApp. Puis genre, pour être aucun des numéros est enregistré, puis j'étais comme hostie de slot. Me, I'm queen of de slot. Si, non. Me, I'm the emoji kind of girl. Each number, each person that I have, if it's a sex thing, I have your sign and an emoji that represents you. So yeah, if you're a football player, si tu joues au soccer, c'est un ballon de soccer. Si t'es photographe, c'est une photo avec Virgo. If you have a big dick, c'est ton signe avec un eggplant. And le chiffre. So 9, eggplant, Virgo. So it's pretty well. Ouais, moi, c'est genre prénom avec où j'ai rencontré la personne. Oh. Ouais. Fait que Mentana, la track, tout ça. Il y en a. Mettons, j'en cherche, là, il peut avoir plusieurs noms. Moi, je suis plutôt à l'époque de téléphone parce que j'ai. Faites ça, vous en demandez des téléphones, là? Well, I'm Instagram, girl. Non? I'm not girl. Oui. Before answer. I hate giving my Instagram rentrer away. Rentrer un nouveau contact. Mais moi, on ça était dépend. En quelle moi, année? Ça dépend parce que Instagram, l'affaire, c'est est-ce que il y a des gens que je veux pas savoir ce qu'ils postent dans le, le dans les Instagram pour montrer au monde. Non, mais moi je veux qu'ils me follow, c'est tout mais pour le follower. Mais pour vrai, Instagram, c'est l'affaire avec le numéro de téléphone, c'est que c'est pas intime en fait, c'est que je vois rien. Ouais. C'est juste un moyen de te contacter directement. C'est des inconnus. Mais j'ai accès à aucun contenu du produit, tandis que si je demande Instagram de quelqu'un, c'est plus parce que ça m'intéresse plus d'avoir comme une fenêtre sur sa vie puis et voir sur ce ta vie passe. À toi. Ouais. C'est ça, tu sais. Ah, moi Instagram depuis que les ronds verts c'est devenu de la porn là. Ah! Mais moi, c'est soft porn. Mais moi, c'est ça l'affaire. Les ronds verts que... étant les aides. Pour les gens qui n'ont pas Instagram, là, quand t'as un rond vert autour de la photo, c'est que t'es dans un close friend de quelqu'un. Puis... Mais les close friends friend pour qui les queers, c'est juste genre des memes qui vont vraiment trop loin. Puis du contenu, genre du contenu sexuel, érotique. Oui. Mais les straight, c'est pas ça, là. Moi, des fois, je me fais pogner dans genre des gens qui sont pas. Genre que c'est pas ça leur close friends. Puis je suis comme, mais là. Pourquoi c'est juste du contenu en extra? Ouais, des selfies. Des literal selfies. C'est pour pas que leur story soit trop longue pour le peuple commun. Non, genre, ben, qu'ils font juste dumper dans ça. Ben, exactly. C'est correct. On les respecte, ces gens-là, avec des ronds verts. Quand on s'aime encore, mais qu'on a plus ben ben de désir, on fait quoi? On communique. On communique. On communique. Comment ça se communique, ça? Encore une fois, je pense souvent, j'essaie de mettre dans les chaussures des autres, mais je pense que moi, j'ai pas de filtre. No, I have a Sag rising. I'm putting my whole chart. Ah ouais, okay. And a Mercury in Aries. Donc, ouais, oh God. Ouais, donc moi j'ai aucun problème à avoir une conversation. Je suis content qu'on podcast ensemble, mais on sera pas amis. No, I'm a nice girl. I'm quite lovely. But girl, you're fiery. Là. I'm a fiery Taurus. Ouais. With a Scorpio moon. Ouais, ouais. Oh, okay, ouais. Okay. Ah oh, ouais. Well, okay. Yes. Mais I'm Taurus gang, very strong. Parfait. Mais ouais, donc moi je trouve qu'il faut communiquer, il faut pouvoir être confortable, genre. Not having sexual desire, ça ne veut pas dire que t'as pas des émotions pour la personne. Et des émotions, parfois, ça peut durer beaucoup plus longtemps que le désir sexuel. Et encore une fois, compatibilité sexuelle, tu peux très facilement soit inclure quelqu'un dans ton couple ou en parler avec ton partenaire. Et des fois, ça dérange pas. Des fois, il y en a qui... They don't even want to have sex after a certain time. Tu te rends compte que t'es en train de stresser parce que tu vois que toi et ton partenaire, ça fait peut-être 3 mois, 4 mois que vous avez rien fait. Et là, tu dis, oh my God, I have to do something. And in the meanwhile, they don't care. They're more than fine with not having sex at all. On change tous, on grandit, on vieillit, on évolue. Donc, je pense qu'il faut seulement communiquer. On peut très facilement reach a meeting ground, whatever. Et ouais. Et les relations, c'est pas encore une fois, c'est pas parce que you're not having sex with your partner that means you can't have sex with somebody else. Oh, oui. As long as you Chris, know. Chris, les straight qui sont mariés, ils en font une identité de plus coucher ensemble. C'est comme le running gag des personnes mariées par excellence. Well, they become roommates. Oh, ça fait longtemps qu'on faut plus. Là, faites juste l'assumer puis parler du fait que vous vous désirez plus, que vous êtes passé à d'autres choses. Moi, j'avoue que c'est quand même des positions inconfortables quand il y a un des partenaires qui a plus de désir mais que l'autre en a encore. Ouais. Oui, ben oui, mais c'est sûr, j'étais comme, ben oui, mais c'est aussi, c'est comme aimer encore pis plus, pis l'autre qui t'aime plus, tu sais, ça l'arrive. Ouais. Faut faire attention, c'est sûr, ça fait plus mal, va falloir vivre avec la douleur, mais. Ouais. Je dis ça, moi, c'est l'avantage de jamais pouvoir être en couple, je sais pas c'est quoi un breakout, mais. Il y a tellement de façons aussi. There's so many different ways of having sex. I'm like, encore une fois, comme. It could be le partenaire, par exemple, juste une hypothèse. Le partenaire qui a plus de désir peut devenir un partenaire voyeur. You're involved. Pourquoi pas? See, there's so many. You need to think outside the box when it comes to sex. And the words of Samantha Jones. I like to fuck outside the box. Ouais, donc communiquer, c'est une grande. I think that's the key to everything. Yeah. Communiquer. S'aimer pour toujours. Ooh. Encore possible en 2022? Point d'interrogation. Ah, j'écoute trop TikTok, là, je viens d'imiter quelqu'un. Moi, je pense que c'est encore possible, mais la raison pour laquelle on se pose cette question-là, c'est qu'on regarde la génération de nos parents ou celle d'avant, les gens étaient mariés ad vitam aeternam. Mais la question, c'est que je me pose, c'est « Were they happy? Were they happy? » Ouais. Les gens étaient mariés pour des raisons, pour some social status, parce que c'est la chose à faire, parce que c'est la chose qu'il faut faire, on a de la famille, on a des enfants ensemble. Ma mère, carrément, je me souviens, elle a... I love a Capricorn. Elle a dit, concernant ma soeur et moi, concernant mon père et elle et leur relation, elle a fait, of course, I'm still with him. On a de la marchandise ensemble. Marchandise étant moi et ma soeur. Oui. Donc, les... Trop Capricorn, c'est tout un malheur. So, il y a des gens qui décident... À l'époque, les gens restaient en couple parce que c'était la chose à faire. De nos jours, je pense que l'amour peut durer, mais l'amour peut durer d'une façon, de manière différente. L'amour peut dire, you're not always going to love somebody the same way, and that's totally fine. Tu peux aimer de façon tellement différente. Mm-hmm. Et encore une fois, on en parlait tout à l'heure, on est tellement bombardé par des options de couple, bombardé par des options de personnes, bombardé par tellement d'autres choses que c'est difficile de garder tes émotions fixées on one thing. Mais il y a tellement de gens qui rencontrent des gens par coup de foudre et ils restent ensemble pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. And to a certain extent, that's a long-term relationship to a full extent. Oui. Moi, pas pour ramener ça à mes mères encore, mais mes mères. Sont-tu lesbiennes, tes mères, déjà? Mes mères qui sont... Je me rappelle plus ou si étaient juste colocataires. Non, elles sont fully lesbiennes. C'est ouais. pas... dans le même lit, là. Deux. S'il y a quelqu'un qui m'arrive avec un troupe de mères lesbiennes, si je vais être fâché. Oh my god, t'imagines quelqu'un comment je vais être fâché. J'en connais un bébé qui est élevé par un troupe de mères lesbiennes. Ce bébé-là peut pas encore parler, puis thank fucking god, parce que dès qu'elle s'ouvre la gueule, moi, il dit qu'elle est pas aussi cool que moi. Moi, il dit que je suis l'OG. Moi, il dit qu'elle a pas le droit de prendre ma place. Mais bon, c'est pour dire que. Ouais. Ça serait l'équivalent d'une personne non-binaire avec l'air fucking bête qui débarque et commence à faire du podcast. Genre, c'est comme c'est fini. Je suis un vieux produit du passé. Non, mais tu sais, moi, le truc avec genre, tu sais, je suis très conscient que nowadays, l'amour, ça se voit pas toujours. Puis je peux pas avoir ça comme expectation. Mais c'est vrai que, genre, mes mamans ont été ensemble toute leur vie. Ouais. Dans les faits, c'est quelque chose qui se peut et qui existe. Ouais, elle le vit. À moins d'un scandale. Puis j'ai un petit exemple tout le temps. Non, mais non. À moins qu'on sache vraiment pas quelque chose de vraiment bien caché, genre SM tes mères. Genre. Ah non, mais mes mères, c'est sont cute, genuinely, là. Elles sont intolérables. Je les crois, là. Je les crois, là. SM encore, elle se dit que ça gosse, mais tu sais, je suis content pour elle. Deux Virgos. Two Virgos? Virgo lesbian moms. Je sais, le truc, c'est que les gens. Là, vous avez pas vu la face à Miss Chris parce que, genre, elle a fait une face. Ah, oh, c'est cute quand j'ai dit qu'elle était mère lesbienne, quand j'ai dit que les deux étaient Virgo. Sa face a tout ça. Jaw drop. Moi, I'm biased. Earth signs. I'm very, like, signe de terre, I am very biased. C'est quoi ton signe déjà, Charlie? J'ai oublié. Cancer, c'est vrai. I love cancer, too. On est proche. That's mais les signes de terre. Oh, mon Dieu. Listen. We deserve. Parce que moi, je suis taureau 100%. Moi, je suis la propagande taureau sur Instagram. C'est moi, là. La propagande taureau. Non, mais I relate to that. Moi aussi, j'ai fait de mon signe ma personnalité. Je connais. Right? Oh, my God. Avant qu'on aille chercher un café, donne-nous le handle du dit Instagram si les gens veulent la propagande taureau. Christopher Marlowe, C-H-R-I-S-T. T-O-P-H-E-R. Marlowe, comme le vin, mais avec un A. M-A-R-L-O-T. That's me. Puis sur ça, on s'en va se chercher... Un dernier café. Un dernier café. Ouais. Puis on revient, on veut caféiner. Ah oui. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Ça, c'est la seule certitude. Il y en a pas beaucoup de certitudes, mais celle-là... Celle-là. On l'a. Oui. On veut caféiner, revenu on est. Et c'était tout! Pour notre épisode de cette semaine, merci les mons d'avoir été à l'écoute. Vous pouvez nous suivre. Non, on a des plugs, les plugs! Des plugs! Charlie, fais ta plug. Je serai à la soirée d'humour Friends with Benefits du Club Sexu le 10 novembre, ce jeudi au Livard. C'est déjà sold out. Mais vous pouvez vous joindre dès 9h30, il va y avoir des DJ, ça va être le fun. On va chiller. Nice. C'est quoi qui se passe? Excuse-moi, j'écoutais pas. C'est une soirée d'humour. Sérieux, je suis tombé dans le. Oh my god, je suis un humoriste à relève, Jess. Oui, non, oui, ça je le sais. Pour vrai, si. Tout le monde est un humoriste à relève. Gars, mais moi plus que les autres, pis si je ne reçois pas mon Olivier de découverte de l'année, on criera à l'homophobie tous ensemble. Yes. D'accord. Parfait. Super. Miss Chris, merci d'avoir été avec nous autres. Oh, c'est un plaisir. This was so much fun, both of you, vraiment. C'est un honneur de t'avoir. Oh. Est-ce que t'as des plugs? J'ai un plug, c'est un plug un peu de loin, mais je le lance. I'm doing a reach. I'm gonna be on TV. Oh! I know. I'm gonna be on TV. I can't believe it. Mais en tout cas, en janvier, voyez-moi sur Club Illico. Voilà, Club Illico à propos d'Antoine avec Claude Legault et Isabeau Blanche et plein d'autres personnes. It's gonna be so cute. So Claude Legault, Club Illico en janvier. Pardon les grosses gigs. Right. Non, c'est ça. Là, on a du monde avec TV Fame, ce podcast-là. Right. On n'est pas n'importe qui. Hein? Et septembre sur TVA, so I'll see you very soon. Oh, and Ask Miss Chris every Monday. Oui, sur CKUT. CKUT 90.3 FM. Comment on peut t'écouter? Est-ce qu'on va sur le site de CKUT? Est-ce qu'on va sur la millennial qui sait pas comment ça marche la radio. Non, tu sors la radio FM puis tu syntonises le 90.3. Non, mais bitch, genre à ma job, ils m'ont fait envoyer un colis, je savais pas comment. Oh, c'est... Oh my God, c'est ma vie. Je savais pas comment. Je fais de l'import-export, colis. Moi, je savais pas comment. Ouais. Mais il faut des gens comme ça. Ben oui, fait que là, il faut vraiment mettre sur CKUT. Ouais. Moi, j'écoute les reprises sur leur site, là aussi. C'est pas mal sûr que leur site passe la radio en live. Aussi, exactement. Vous pouvez aller voir sur le site. Non, peut-être même une appli. Ça, on n'a pas encore. Non, OK, ça s'en vient. Je fais des promesses pour CKUT parce que j'y suis pas. Fait que, envoyez, chop chop. Soon enough. Oui, j'ai-tu des plugs? Non. Vous pouvez? Non. Vous pouvez nous suivre sur le seul réseau social qu'on a décidé qu'il y avait de l'allure et dans Instagram. Il y en a rien qu'un. C'est l'élu. Un pour les gouverner tous. Oui. En fait, c'est TikTok, c'est juste qu'on est trop lâche. Ouais, non, c'est ça. Deux. Le chiffre 2. Fif avec un X à la place dit pour pas se faire shot down par la police des mœurs. Deux fifs le matin en un mot. En un mot. Sur Instagram. Sur Instagram. Pas ailleurs. Ben, des fois sur Facebook, on en lâche. Ah, sur Facebook, on pense à vous, là, les over 40 ans, là, mais c'est ça. Oui. Demandez-nous-en pas trop tant, quand même. Non, de toute façon, 90% de notre public est dans la même tranche d'âge. Ça va. Ça va. Ouais. Ça va. On vous salue, les trentenaires. Ouais. Bonjour. C'est correct. C'est ça que les queers font. C'est toujours ce match-up du bon sens. C'est ça que les queers font, hein. Ils ont 30 ans. Ouais. Ils ont 30. Ils fêtent les 30 ans. C'est ça que ça fait. Voilà. Bonne semaine! Bonne semaine! Bonne.